Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 42. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, EELB.SU. EELB.SU, vous pouvez commenter les articles qui paraissent sur le site de Démocratie Participative ou bien tout simplement participer à des discussions diverses sur ce forum avec les autres membres qui y sont inscrits. Il doit y avoir aujourd'hui environ, parmi les membres inscrits, environ 3000 membres et plusieurs centaines de membres régulièrement actifs. Vous pouvez aussi rejoindre le réseau social Gab, je vous y invite quand même avec insistance, parce que il est très probable que suite à ce qui se passe aux États-Unis, les réseaux sociaux vont être considérablement, surveillés et restreints hein, dans le futur. Donc Gab est un des rares qui offre une liberté d'expression totale, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vais procéder maintenant à la présentation des membres de la semaine. On a une belle équipe aujourd'hui. Je vais commencer avec, avec Pierrot. Comment vas-tu, cher Pierrot ? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien. Et j'espère qu'on va passer une bonne émission. J'espère aussi. Est avec nous aujourd'hui également Poporovic. J'espère qu'il va bien, Poro. Ça va très très bien. Formidable. Cette semaine aussi avec nous, comme toutes les semaines, Fulbert. Je sais que tu auras des choses à dire, hein, Fulbert, cette semaine. Bon, oui, sans doute. Enfin, j'espère, quoi. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Nous fait le plaisir également d'être avec nous cette semaine, Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Et enfin, Diabolicus. Comment vas-tu, cher Diabolix? Ben, je sors de ma caverne. Si je comprends bien, le président Duterte a été élu. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. C'est très bien. Je manque un peu d'informations, excusez-moi. J'avais oublié de présenter l'inévitable, l'iconique cardinal Derrick. Salut cardinal, pardonne-moi pour cette omission. Ouais, pas de soucis. Salut Gandalf, salut les gars. Alors messieurs, avant de commencer d'entamer l'émission en proprement parler, je voulais quand même remercier nos donateurs qui nous soutiennent chaque semaine, ceux qui se manifestent auprès de nous comme ceux qui restent anonymes. Je vais commencer avec le premier don. Bonjour messieurs, je vous ai fait un don d'un peu plus de 0,44 Monero hier en espérant qu'il soit bien arrivé. Mes salutations à toute l'équipe. Alors notre donateur a tenu à ce que je ne cite pas son pseudo, donc il se reconnaîtra, ne serait-ce que par le montant. Merci à lui de nous soutenir avec cette régularité. Deuxième don, bonjour chers amis de Démocratie Participative. Je vous ai fait parvenir un don de 1 Monero hier, j'espère que vous l'avez bien reçu. Je vous écris depuis un cyber, j'ai créé une adresse mail fictive pour vous écrire et ne pas être repéré. On n'est jamais trop prudent. Oui, tout à fait, ça c'est le protocole qu'on recommande. D'une manière générale d'ailleurs, mais oui, quand on nous écrit. Pour vous envoyer ce don, j'ai suivi la procédure que vous indiquez sur votre site. Effet positif, je me suis initié aux crypto-monnaies et j'en ai profité pour me constituer un petit portefeuille avec des Monero et d'autres crypto-monnaies, ce qui peut être une protection contre une crise bancaire ou financière à venir ou un durcissement des contraintes bancaires sur les virements. Alors, la crypto n'est pas un investissement en tant que tel, puisque c'est quand même un actif qui a une amplitude dans ses mouvements, on va dire. Mais par contre, pour ce qui concerne les virements, effectivement, c'est tout à fait bienvenu, et tout particulièrement Monero, qui garantit, je le répète, mais je le répéterai encore très souvent, l'anonymat de celui qui envoie un virement, tout comme l'anonymat de celui qui le reçoit, ainsi que le montant de ce virement. N'hésitez pas à vous familiariser avec cette technologie, c'est finalement assez simple à maîtriser. Alors, j'écoute mardi vos émissions avec intérêt depuis près de 2 ans et je suis le fil d'actualité quotidien. J'apprécie votre façon de présenter les informations sur le ton de l'ironie. Cela permet de conserver un état d'esprit positif et tourner vers l'action plutôt que de geindre, ce qui pousse à la déprime et à l'inaction. Les informations que vous donnez, on ne les trouve pas ailleurs, elles sont exactes. Bravo, bonne continuation dans vos activités amicalement. Et c'est Robert Dassas qui nous fait ce don. Merci à vous, Robert, pour votre soutien. Alors, je voulais aussi faire une annonce, c'est la publication du livre du mois sur le site, qui est « L'Allemagne renaît » d'Hermann Göring. Ce sont les éditions Baglis, donc de Viva Europa, qui publient ce livre, donc qui, expose la pensée et l'action des nationaux-socialistes parle sous la plume donc d'Hermann Göring. Donc ça, c'est l'occasion de se familiariser avec la version non censurée de ce qu'a été l'action des nationaux-socialistes. Donc il y a la version papier disponible, vous pouvez la commander sur, alors pas sur notre site à proprement parler, mais on donne la source vers le site de Viva Europa. N'hésitez pas à le commander. C'est une maison d'édition qui va prochainement lancer son site internet, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'en a dit. Alors l'intérêt, en fait, c'est d'avoir des livres non conformistes. Alors là, c'est un livre d'Hermann Göring, mais avant, il y en a eu d'autres. Hein. Je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a toute une série, et il y en aura d'autres à venir. Ce sont des livres, en plus, dont la qualité, la qualité de mise en page, etc., est certaine. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'annonce du livre du mois. Et vous pouvez vous y référer sur le site. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet de cette émission avec la première rubrique. Alors messieurs, première rubrique, en fait c'est une rubrique en guise simplement de démarrage d'émission, puisque l'essentiel de l'émission va concerner les élections américaines. On a vraiment beaucoup de choses à dire, donc ça va occuper toute l'émission. C'est une émission spéciale. Mais enfin, j'ai voulu quand même citer ça, une rubrique donc alcoolo-tabagisme, n'est-ce pas? Parce que il a été mal inspiré, puisqu'il a annoncé ça, je parle de Hossam Messiah, qui a annoncé son départ hein, du Rassemblement National. Mais comme je disais, il a été mal inspiré puisqu'il a annoncé le 3 novembre, date de l'élection présidentielle américaine, donc c'est passé presque inaperçu. Enfin bon, je vous lis ça quand même. Cité par Le Figaro. Hein. Alors, sa démission n'est pas encore officiellement actée, bon, maintenant elle l'est. Hein. Elle n'en est pas moins irrémédiable. Jean Messia, délégué aux études et à l'argumentaire du Rassemblement National, s'apprête à en claquer la porte comme le rapporte l'hebdomadaire L'Obs. Le quinquagénaire a, selon nos informations, pris rendez-vous jeudi matin avec Marine Le Pen pour lui annoncer en cause un désaccord idéologique sur la question de l'islamisme mélangé à une rancœur d'ambition déçue. Cet ancien énarque, ayant rejoint le Front National en 2016, a été propulsé porte-parole des Horaces, un mystérieux groupe d'experts et de hauts fonctionnaires conseillant Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Il y travaille à alimenter le programme de la candidate en échange d'une large visibilité médiatique et une confortable rémunération. « C'est le plus grand patriote que je connaisse », vante alors sa patronne. Après la défaite de 2017, celui que nombre de cadres du mouvement décrivent comme totalement dingo et incontrôlable, va aller de déconvenu en déconvenu. Nommé par Marine Le Pen au bureau national du RN, il ne sera pas, à sa grande surprise, parmi les candidats retenus en place éligible sur la liste des européennes. Même camouflé lors des municipales à Paris, où il espérait obtenir l'investiture du parti à la flamme, elle reviendra finalement à une personnalité Et extérieur au parti, Serge Feder Bush, ses demandes répétées ces dernières semaines d'obtenir la tête de liste dans l'Aisne afin de devenir conseiller régional des Hauts-de-France à l'issue des prochaines élections locales ont connu la même fin de non-recevoir. Mais la cause réelle du divorce se veut avant tout idéologique. Contrairement à Marine Le Pen, Jean Messia ne voit pas une différence de nature entre l'islam et l'islamisme, mais une simple différence de degré. Il est temps de dire que l'islam est incompatible avec la République, a-t-il coutume de soutenir sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux de télévision dont il est devenu un habitué, malgré son absence de mandat électoral. Des sorties qui ont contraint Marine Le Pen au lendemain des attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice ces dernières semaines à se justifier. Je cite Marine Le Pen, « Je ne crois pas qu'il y ait une religion qui soit incompatible avec la République », a ainsi soutenu donc la présidente du RN le 25 octobre dernier sur le plateau du Grand Jury. C'est son avis, donc celui de Jean Messia. « Ce n'est ni le mien, ni celui du Rassemblement National. Jean est un Égyptien copte, peut-être a-t-il sur ce sujet une sensibilité exacerbée. » Une sortie qui a eu le don de faire sortir Jean Messia de ses gonds. En tant qu'Égyptien copte, je n'ai pas un avis exacerbé sur le sujet de l'islam. Juste un avis réaliste basé sur un vécu, lâchera-t-il sur Twitter quelques jours plus tard, un désaccord qui pousse certains cadres du RN à ajouter Jean Messia dans la longue liste des sacrifiés sur l'autel de la dédiabolisation du parti. Alors, messieurs, faut quand même s'arrêter là-dessus, parce que, somme toute, c'est pas totalement anecdotique, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui, depuis maintenant 3 ans ou un peu plus, était le remplaçant de Florian Philippot comme la tête de gondole du Rassemblement National. C'était celui qu'on envoyait sur tous les plateaux de télévision porter la parole officielle du parti. Donc le fait qu'il quitte cette formation après l'éviction de Florian Philippot est à relever et mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on la commente, surtout qu'ici on a très régulièrement quand même dénoncé l'action de Hossam Messia. Alors qui voudrait m'apporter sa réaction ici suite à cette annonce? Oui, moi, réaction enthousiaste. Donc il quitte le FN, mais est-ce qu'il quitte la France aussi? Ah non, il a lancé un institut, c'est l'institut Apollon. Ah bah voyons. Je présume vaguement souverainiste. Pour la pause musicale, on peut mettre Walk Like an Egyptian des Bangles? Écoute, pourquoi pas? Je n'y vois pas d'objection. Donc, nous avons un Porovitch satisfait. Toi, t'es... Voilà. Oui, enfin, amusé, désabusé. Enfin, disons que le virage de cadre au Front National, c'est d'une très, très vieille tradition. Hein. Certains pourront en parler mieux que moi, mais c'est une longue histoire. Oui, c'est presque un sport national, j'ai envie de dire. Un sport familial. Un sport familial. Qui d'autre voudrait commenter le départ de Hossam Messia? Alors, moi, je me demandais si le conseil des cadis de Mayotte avait pris audience auprès de Marine Le Pen pour se plaindre des propos de Hossam. Peut-être que le conseil des cadis de Mayotte n'était pas trop d'accord. Et puis, bon, Marine Le Pen ayant vocation à être reine de Mayotte, il faut qu'elle garde avec elle les... son précieux allié religieux. Pourrais-tu simplement éclairer, je vois où tu veux en venir, mais pourrais-tu parler un peu plus de cette histoire de cadis de Mayotte? Cette très noble institution. Oui, en fait... D'abord, décrire ce que sont les cadis de Mayotte, et ensuite, pourquoi ça concerne Marine Le Pen. Donc, le conseil des cadis... Enfin, les cadis sont les juges, en gros, c'est l'équivalent du... comment dire, un tribunal islamique, un tribunal coranique traditionnel de cette île musulmane, hein. voilà exactement. Et alors pourquoi ça concerne Marine Le Pen? Marine Le Pen avait été reçue par le conseil des cadis et puis ils étaient très très enchantés de la recevoir il y a quelques années, hein. Et puis bon, Marine Le Pen ne manque jamais de parler de Mayotte dès qu'elle en a l'occasion. Oui, c'est vrai, c'est un sujet qui revient très, très, très fréquemment. Oui. Bleu, et donc, c'est là, je crois, qu'elle a ses scores les plus les meilleurs scores, en fait, hein, au niveau local. Oui, une île musulmane qu'on peuplée de nègres. Une île, oui. Une île négro-musulmane. Donc, bon, tout ce qui va être... Alors, les racistes, ça a déjà été évacué. Mais même les gens marrons qui continuent à parler un petit peu d'islam, ça peut poser problème. Ouais. Parce que je pense que Marine Le Pen veut finir sa vie à Mayotte, en tant que reine. Je pense qu'elle a de bonnes chances. Hein. Je ne sais pas si les Dimi ont le droit d'être reines, en fait. Ça dépend s'ils ont beaucoup d'argent à donner, surtout si c'est celui des Blancs. Oui, et puis une Chalda, c'est bon. Oui, oh, oui. Ouais. Quelqu'un d'autre sur cette démission ou... Oui, petite chose. Alors, jusqu'à présent, en 2020, on pouvait dire qu'au RN, il y avait donc un Égyptien, des dépenses pharaoniques, en allusion aux vastes dépenses du Rassemblement National, et qu'on se faisait mettre en esclavage par les Hébreux, puisqu'on s'était un peu, comment dire, pour faire allusion à l'Ancien Testament, où oui. Évidemment les pharaons mettent en esclavage les Hébreux, là... On avait le pire, finalement, de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire qu'on avait des vastes dépenses, mais qu'au contraire, ben, on se faisait mettre en esclavage par les Hébreux. C'est rigolo. Oui, je précise que Hossam Messia quand même touchait la modique somme en 2017 lors de la campagne de 12 000 euros par mois net. C'était quand même assez... Abdullah, ça va. C'était assez confortable. Alors moi, j'ai envie de commenter ce départ. Alors d'abord, je m'en félicite. Puisque on voyait là, une nouvelle fois, le rôle absolument délétère que jouent les métèques dès lors qu'ils s'infiltrent dans des partis blancs. Parce qu'au départ, je sais que nos auditeurs pourraient être surpris par ce que je vais dire, au départ, le Rassemblement National s'appelait le Front National, n'était pas présidé par Marine Le Pen, mais par Jean-Marie Le Pen, et ses fondateurs étaient des nationalistes blancs. Et pour eux, en fait, l'idée, c'était de faire en sorte que la France reste un pays blanc. Alors, évidemment, aujourd'hui, sous la direction de Marine Le Pen, et aussi très longtemps, hein, sur les conseils de son ancien compagnon, d'origine juive, Louis Alliot, la ligne a été modifiée. Hein. Maintenant, il s'agit de faire une espèce de parti de gauche, républicain, enfin tout ce qui est plus conformiste, qui d'ailleurs ne refuse d'ailleurs d'évoquer toute idée de rapatriement des immigrés, hein, voilà, elle veut même des étudiants, je crois. On a souvent parlé de son parti, donc je ne vais pas me répéter, mais voilà, donc ça n'a pas toujours été ça. Et en fait, pourquoi avait-elle jugé utile de mettre en avant Hossam Messia? Bah, ne nous mentons pas. C'était le bougnoule de service. Mais qui avait un avantage, du point de vue de Marine Le Pen, c'est qu'il n'était pas musulman. Et donc, il a fait office comme ça, de chien de garde de Marine Le Pen. Il a pu aboyer avec beaucoup de férocité contre les musulmans en sa qualité de bougnoule. Et Marine Le Pen s'est dit « Haha, chat perché, vous ne pouvez pas m'accuser de racisme ». Et elle a joué à ce petit numéro-là pendant 3 ans, ce qui nous a fait quand même beaucoup souffrir. J'ai très souvent saigné des yeux et des oreilles en regardant les numéros de parce que c'était assez sinistre quand même de voir ce roquet être mis en avant par Marine Le Pen et à jouer Super Dupont avec sa gueule de trafiquant d'esclaves des bords du Nil, hein. Franchement c'était grotesque. Bon, alors Marine Le Pen nous a soumis à cet exercice, mais, comment dirais-je, Tournevis, hein, de son surnom affectueux dont on l'a affublé, Tournevis croyait vraiment qu'il allait monter dans l'appareil, et donc qu'on allait lui donner un poste électoral. Mais Marine Le Pen ne l'a pas fait pour deux raisons. D'abord, pour le maintenir totalement en indépendance, c'est-à-dire que tant qu'il est simplement un cadre du RN, c'est un salarié de Marine Le Pen, donc... S'il veut avoir le droit, comment dirais-je, à l'élixir médiatique et à une confortable rétribution, eh bien, il faut être dans les petits papiers de la présidente, ça c'est d'une. Et puis deuxièmement, s'il devenait élu, il serait beaucoup plus autonome, fatalement. Et là, Marine Le Pen sentait bien que Hossam, qui est quand même très excité, il faut bien le dire, se seraient permis des sorties qu'elles n'auraient pas pu forcément contrôler. Et puis enfin, troisièmement, et c'est l'évidence, Osam Messia a toujours été un agent égyptien. C'est un agent de l'armée égyptienne. Il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui est totalement lié, comment dirais-je, à des gens comme Sisi et à d'autres. Hein. Je veux dire, c'est un... Et lui, son sujet, bah, c'est de répliquer la politique étrangère égyptienne qui consiste à faire quoi ? Qui consiste à s'aligner sur l'État d'Israël, c'est-à-dire à acter de la suprématie juive au Proche-Orient, et à se perdre dans des bagarres avec ses frères de race convertis à l'islam. Donc en fait, c'est le souk oriental. Mais ça, c'est pas un programme français. C'est pas un programme français, c'est un programme égyptien. Donc on se retrouvait, au fur et à mesure des discussions, à avoir des débats d'exégèse coranique, plutôt que de revenir à des choses très simples, à savoir les bougnoules dehors. Voilà. Et comme il y avait un bougnoule qui était RN et qui disait ah, « mais quand même, hein, l'islam c'est problématique ça, », ça participait de la confusion générale et ça participait en fait du discours antiraciste général. Parce que qu'est-ce que dit le Parti Socialiste, qu'est-ce que dit La République En Marche, qu'est-ce que dit... qu'est-ce que disent les républicains ? Ben, ils disent ça, ils disent nous on est contre l'islam radical, mais on est pour l'intégration des beurs. Nous on veut des beurs intégrés. Et ces derniers temps, j'avais remarqué que Osam Messia passait son temps à remplir son compte Twitter d'immigrés patriotes, comme il les appelait, les immigrés patriotes. Il a même défendu le concept d'immigration patriote. Voilà, donc on allait avoir le Maghreb patriote en France. Bon, c'est là qu'on voit les limites hein, de ces discussions sans fin entre ces mythes sur le bon texte religieux contre le mauvais texte religieux, la bonne exégèse contre la mauvaise... Voilà, tout ça nous éloigne de la question centrale, qui est la question du remplacement racial. Voilà. Alors, le départ d'Ossam, moi je pense, participe d'une clarification bienvenue, mais l'intention de Marine Le Pen, en revanche... n'est pas de nous amener sur un discours plus à droite. Hein. On va aller vers, au contraire, un discours plus à gauche. Parce que, en dépit de tout ce que j'ai dit sur Osam Messia, le fait qu'il mordille comme ça les basques des musulmans en permanence, eh bien, ça a fini par indisposer Marine Le Pen, qui trouve que c'est trop dur encore. Vous voyez, c'est un peu trop méchant. Il faut quand même édulcorer tout ça. Et voilà. Bon. Voilà ce que je voulais dire sur ce départ. Mais je pense que c'est bénéfique parce que c'était typiquement le produit Golnado compatible que moi je ne peux pas goûter personnellement. Donc voilà. Alors c'est ça, Gandalf, tu disais. L'article précise que Osam Messia a été évincé donc, du remplacement national pour soigner la stratégie de dédiabolisation. Je crois que c'est mentionné comme ça. Ah, la fameuse stratégie de dédiabolisation. Ouais, qui va nous emmener loin. Hein. C'est-à-dire le vote musulman. Jusqu'en Égypte, jusqu'en Arabie Saoudite, oui. un Égyptien qui est à moitié ahuri, hein, faut dire, il est à moitié ahuri. Hein. Enfin, il est éduqué, d'accord hein. Mais c'est un type qui sait, enfin, il sait à peine faire ses lacets. Hein. Il est autiste. Bref, ce type a été expulsé parce qu'il était trop à droite. Pas à gauche, hein. Ouais. les demi-bougnoules ultra assimilationnistes. Hein. C'est bah, ouais. Trop radical pour Marine Le Pen, c'est trop. Ça non, fait quand mais même, je crois que le problème, en fait, c'est que c'est pas lui qui doit quitter le RN, c'est elle qui doit se barrer, hein, et vite. Hein. Ça fait quand même trois personnalités hein, du Front National Mariniste qui se barrent ou qui sont virées, hein, c'est pareil. Depuis qu'elle a pris la place, il y avait Collard, Philippot et donc maintenant Osam. Collard, on lui a maintenu un strapontin, je crois, un truc bidon à la culture. Enfin, il est content avec son truc quoi. Ouais. Il y a Choprade aussi. Choprade qui était. Ouais, bah, Choprade a fait n'importe quoi. Lui c'était. Avec histoire d'air cocaïne et tout ça, mais à un moment donné, il était très très présent derrière chaque intervention et tout ça. Marine Le Pen parlait du conflit des civilisations et tout ça. Bon, c'était du monde multipolaire et tout ça. C'était les paroles de Chopin. Vous savez comment j'appelais les hommes politiques, hein, les capotes de la République. Bon, visiblement, le FN est un parti qui est en train de se normaliser. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie pour Osam Messia parce que dans la biographie de ce monsieur que Gandalf a exposé plus tôt dans l'émission, tu as précisé, Gandalf, qu'il avait été écarté, entre autres, d'une liste électorale pour laquelle un autre Serge Federbusch avait été désigné. Oui. Si je ne m'abuse, ce Serge Federbusch est juif. Oui. Et il avait été, sauf erreur de ma part, chargé par Marine Le Pen de créer une section pour contrôler, surveiller les dérives des propos et des positions antisémites au sein même du parti. Je ne crois pas, que ce soit lui. Non, il n'est pas dans le parti. Mais c'est un autre juif. C'était un autre juif, c'était pas le même. Ah, je fais erreur sur la personne. Ouais. Bah oui, mais les juifs, on les confond. Hein. Mais t'en fais pas, ils sont cousins. Hein. Ah oui, d'accord. La vérité. Non, t'en fais pas, hein. ils sont d'accord. Hein, quand même. Qu'au sein du parti, il y avait un politrouk, c'est-à-dire un commissaire politique, mais pas égyptien, juif. Et voilà. Donc, effectivement, la dérive à gauche se confirme. Et une gauche, malgré tout, sioniste. Oui. Pourtant, c'est une petite précision, dans le Twitter de Messia, le premier truc mis en avant, c'était une altercation qu'il avait eue avec BHL, quand il lui dit que, enfin, BHL, était plus sensible à la misère bosniaque que française et qu'on allait partout, aux quatre coins de la planète, s'agiter sur des caissons et tout ça. Et en fait, il mettait, la première fois que j'ai entendu parler de Messia, c'était pour cette intervention. Je trouvais ça plutôt assez brillant, j'avoue. Je trouvais que le gars avait un certain talent, mais il est évident que là, depuis très longtemps, ses interventions sont, voilà, c'est sur une France judéo-chrétienne, une Europe judéo-chrétienne et tout ça. Donc là, il n'y a aucune critique du judaïsme ou quoi que ce soit. Non, il était devenu. Par définition, il ne faut pas écouter les hommes politiques. Ces gens-là sont prêts à dire à peu près tout et n'importe quoi pour séduire les gens. Il faut regarder ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, leur profil racial, etc. Vous saurez à quoi vous en tenir, mais n'écoutez jamais ces gens-là. Ouais, tout à fait. Je me souviens qu'il avait. Tu as parlé de Twitter, c'est sorti sur Twitter. Je me souviens qu'il avait filmé des nègres dans la rue, tu sais, des nègres évangélistes qui hurlaient Jésus. Tu vois, et il dit c'est merveilleux, des Français qui sont en rapport avec les. Avec la France éternelle, etc. Le problème, c'est que quand tu pars d'abstraction, Jésus, machin, etc., et que tu pars pas de la réalité biologique du peuplement français, tu finis dans des errements comme ça. Et je parle pas de lui, parce que lui, finalement, il est raccord avec sa conception du monde. C'est une pièce rapportée, c'est un métèque. Bon, alors il essaye de se raccrocher à un tissu vaguement catholique, mais qui est très largement effacé aujourd'hui en France, alors pour essayer de légitimer sa présence. Mais pour moi et pour une quantité quand même considérable de gens, alors certes, hein, j'ai pas dit qu'on était majoritaire, mais quand même, qui sommes là, qui avons un avis sur toute une série de choses, quand on essaye de nous dire voilà que des machins qui viennent d'Égypte vont nous commander, moi je dis très simplement non, pas plus que des juifs ou que des mulâtres de Guyane ou d'ailleurs, voilà, c'est non merci. Ou alors des homosexuels gaullistes. Oui, mais qui ont quand même pour eux, tu parles de Couteau, de Philippot, ils ont quand même pour eux d'être des Français, enfin, je veux dire, ils ont au moins pour eux ça, je veux dire, après on peut être en désaccord avec leur idée ou leurs us et coutumes, mais enfin, ce sont des Français, donc ils ont une légitimité de Français en France, quoi, alors que tous les autres sont des métèques, et moi il n'y a rien à faire, quoi, tu me fous un métèque, c'est non, alors il peut agiter son drapeau tricolore comme il veut, je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est, je veux dire, moi je m'en fous du drapeau qu'il agite, je vois la couleur de sa peau, ça commence par là, la race se limite pas à la couleur de la peau, mais enfin ça commence par là, donc voilà, donc... Parce qu'en fait, ça traduit une mentalité, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, ça traduit une sensibilité, une mentalité, des prédispositions, une idiosyncrasie. Voilà, c'est tout. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Mais je sais très bien où ils veulent nous mener. Messia veut nous mener, vers le Nil. Bernard-Henri Lévy veut nous mener vers le Jourdain. Aller savoir qui d'autre. Taubira veut nous mener vers les rivages de sa Guyane natale. Bon, bah, toute une série de choses comme ça. Bon, bah, voilà. Bon, bah, moi, j'ai une sensibilité qui est pas de là. J'ai une sensibilité d'Europe, d'Europe du Nord. Voilà. Bon, c'est pas le même univers mental. C'est pas la même sensibilité. C'est pas pas la même conception du monde, quoi. Voilà. Et moi, je dis très poliment à ces gens-là, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Donc, faites ce que vous avez à faire chez vous, c'est très bien. Soyez imaginatif, bonne chance, mais ne me mêlez pas à vos trucs. Voilà. Et c'est aussi ça qui me dérange avec le Rassemblement National, en m'agitant, comment dirais-je, des Arabes patriotes sous le nez. C'est qu'on... Alors, j'avais déjà la gauche pour le faire, mais maintenant, j'ai le Rassemblement National qui essaye à toute force de me faire avaler des bougnoules. Alors, encore une fois, hein, bon, il faut être patient aussi, mais il faut quand même le répéter, non. Ils peuvent me les présenter, hein, ENA, costard, drapeau tricolore, lunettes, sans lunettes, non. Ouais, c'est une espèce de blocage de principe, comme ça, que j'ai pas besoin d'expliquer, voilà, qui est comme ça, voilà, j'ai pas envie de... Bizarrement, on a beau leur dire, ils n'ont pas l'air de comprendre. Je pense que Marine Le Pen... très accessible au dialogue, ces gens-là. Alors, je pense que Marine Le Pen, maintenant, qui est quand même très imaginative dans ce genre de choses, est à la recherche. Hein. Mais alors vraiment... je pense que la prochaine fois, on a le droit à un nègre. Oui, c'est... voilà. Alors, mais si c'est un nègre, bon, c'est pas mal. Hein. Marine Le Pen serait assez conquise, mais je pense que ce qui lui plairait beaucoup, c'est un mulâtre. C'est un mulâtre. Ah, les dom-toms, leur... voilà, voilà, mais un mulâtre genre Harry Rosenmack, vous voyez, voilà, comme ça, une espèce de nègre magique digne d'une série américaine. Voilà, c'est ça qu'elle veut. Et je crois qu'elle... Oui. Ah, il nous en faudrait plus des comme ça, hein. Ouais, ouais. Puis avec les cheveux tondus, vous voyez, crâne rasé, la boule à Z, vous voyez, genre en mode. Homosexuel aussi. Non. Non. Ça fera un peu doublon avec les non, autres. Non, Marine Le Pen, non, des nègres, elle veut des nègres virils. Elle veut pas des fiottes, là, dans ce rôle-là. Alors, avis à nos auditeurs, éventuellement, si on a quelques auditeurs mulâtres, ça pourrait... vous pouvez postuler à la demande. N'hésitez pas. N'hésitez pas, vous irez faire un billet, de toute façon, ça rentre comme dans du beurre. Ah bah, le frère Bertin, oh, il a une carrière qui l'attend. Ah oui. Ah bah oui, bonne chance. Qui veut rajouter... candidat. Oui. Qui veut rajouter quelque chose sur ce... Parce que, c'est un peu un cas désespéré, mais enfin bon, éventuellement... Oui, moi, je terminerai bien en disant la peste de ces gens-là, quoi. Vraiment, mais qu'ils crèvent. Et est-ce qu'on a le droit de dire ça? Oui, on a le droit de le dire. Voilà, je ne les aime pas, ils ne nous aiment pas non plus, donc ça tombe bien. Ah, oh, Marine Le Pen se fait un devoir de dire qu'elle n'aime pas les gens d'extrême droite. Hein. Ça, on peut pas lui reprocher. On a bien reçu le message, mais nous, on n'aime pas. Hein. <Qu'est-ce> soit, hein. tu peux aller vers le Jourdain ou vers le Nil, il n'y a pas de problème. Non, elle, plutôt pirogue, hein. plutôt Mayotte hein, quand même. Plutôt Mayotte. Alors messieurs, on a parlé de ça comme ça, il fallait bien en parler. Maintenant, je vous propose d'attaquer le vif du sujet de cette émission, qui est l'élection présidentielle. Élection présidentielle qui n'est pas terminée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on peut attaquer l'objet de notre émission spéciale élection américaine. On n'a pas beaucoup parlé des élections en amont, puisque finalement, mieux valait attendre l'élection en elle-même. Alors, elle est très différente de 2016, par certains aspects. Et finalement assez similaire par d'autres aspects, c'est-à-dire, je pense, mais on en reparlera. Alors, donc normalement, hein, tout le monde attendait un résultat clair et net le samedi 3 novembre. Pour ma part, je savais qu'on n'aurait pas la réponse le 3 novembre, mais que ça durerait beaucoup plus. Mais toujours est-il que tout le monde attendait un résultat clair, net et précis le 3 novembre. Il n'est pas tombé, et depuis... Enfin, pendant quelques jours, il y a eu un flou, puisque on a attendu que des décomptes dans un certain nombre d'États américains tombent pour connaître l'identité du vainqueur de cette élection 2020 aux États-Unis. Alors, ces États, vous les connaissez, hein, c'est le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, l'Arizona, le Nevada, mais aussi la Géorgie et dans une moindre mesure la Caroline du Nord. Donc, ces États qui sont considérés comme, les Américains les appellent des swing states, c'est-à-dire des États assez indécis et stratégiques en raison de leur nombre de grands électeurs qui vont élire, eux, le président, car il faut savoir ça. Peut-être que les Français ne comprennent pas nécessairement le scrutin en lui-même. Ça mériterait quand même qu'on s'y arrête un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas le scrutin à la française. C'est un scrutin présidentiel, mais ce n'est pas un scrutin à la française où voilà, il faut une majorité des électeurs qui s'expriment pour un candidat plus qu'un autre pour qu'il soit élu. C'est un vote qui se déroule dans un système fédéral où les électeurs des différents États sont invités à choisir un candidat et à charge pour les grands électeurs de cet État de désigner, ou pas d'ailleurs, le président américain. Donc vous avez un collège de grands électeurs, plusieurs centaines, qui doivent donc décider de qui sera le prochain président. Donc ce n'est pas un suffrage direct, mais il est entendu traditionnellement que dans chaque État, les grands électeurs suivent le vote majoritaire. Hein, voilà. C'est pas systématique d'ailleurs, c'est pas systématique, puisqu'ils ne sont pas tenus par la Constitution américaine de suivre le vote populaire. Donc ça, c'est une subtilité qu'il faut connaître et qui, je pense, et j'aurai l'occasion d'en parler dans la suite de l'émission, risque de jouer un rôle très important. Mais il faut quand même comprendre le système électoral américain et dans sa diversité. Alors, les gauchistes aiment utiliser cet argument du vote populaire, c'est-à-dire tout simplement de la majorité absolue des votes pour un candidat, en disant « mais comment se fait-il, Trump n'a pas la majorité des voix et il est quand même élu ». Alors ça n'est pas le sujet dans un système fédéral, puisque les États-Unis sont, comme leur nom l'indique, des États unis, c'est une fédération volontaire d'États, donc chaque État a une personnalité juridique, et donc on ne peut pas, ce n'est pas un État unitaire comme le système français ou comme d'autres États. Ça c'est très important à comprendre. Donc, pour respecter la souveraineté de chaque État, dans sa libre détermination politique, il y a ce système fédéral avec ce collège. Et donc, la question du nombre d'électeurs n'a absolument aucun intérêt dans un système fédéral comme celui-là. Ça n'a aucun intérêt. C'est ce qui solidifie le fait que ces États-là restent dans l'entité politique qui s'appelle États-Unis d'Amérique. Parce que si, exactement. Si, imaginons, ils avaient... Ils n'avaient pas ce système-là qui, là, pour le coup, les favorise. Ils n'auraient pas vraiment d'intérêt à rester. Et il y aurait risque... ça ne serait pas fait. Hein, mais si c'est annulé, il y aurait risque de sécession absolument imminent. Exactement. Et... C'est d'une certaine façon, pour que les Français comprennent, parce qu'il y a une maison, il y a une incompréhension sur la dimension du mot fédéralisme. Quand on entend le mot fédéralisme en France, les Français se disent « Ah, on veut affaiblir le pouvoir central au profit des régions, par exemple. » Quand on dit fédéralisme en France, les gens se disent « Ah, on veut affaiblir le pouvoir de Paris, le pouvoir de l'État au profit des régions. » Généralement, d'ailleurs, c'est mal vu, en raison de la tradition politique jacobine qui existe en France, et il y a quand même un a priori... favorable à la centralisation du pouvoir en France et qui a un a priori défavorable à la fédéralisation du pouvoir, puisque notamment à gauche on aime bien dire ah oui c'est le retour au féodalisme, à l'ancien régime, etc. En France on est un petit peu fâché avec la liberté, si vous voulez. On aime bien avoir un État bien fort pour bien se faire triquer en fait. Oui c'est vrai, en revanche le fédéralisme quand on en parle au niveau européen et les souverainistes de l'UPR Dupont-Aignan, même le RN en parle souvent, ce fédéralisme-là est considéré comme un accroissement du pouvoir central, en l'occurrence de Bruxelles. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre aux États-Unis. Les Américains le comprennent de la même façon. C'est-à-dire que quand on parle du pouvoir fédéral américain, pour les Américains, c'est le pouvoir de Washington, c'est comme pour nous le pouvoir de Bruxelles. Donc le fédéralisme aux États-Unis est compris comme un renforcement du pouvoir central. Mais quand on en parle en France, quand on parle du fédéralisme, au niveau franco-français, on l'entend comme un affaiblissement du pouvoir central. Ça, c'est important, cette nuance est importante à comprendre. Et donc, pour respecter cet équilibre interne à la structure politique américaine, comme l'a très bien dit Derrick, ce qui fait que les États-Unis peuvent rester unis, c'est qu'on respecte la personnalité des différents États qui n'ont pas été constitués au même moment, par les mêmes populations. Pas la France non plus, c'est un pays qui est un continent. Voilà, tout à fait, mais les gens le comprendraient. Enfin, je veux dire, quand on prend l'Europe, on comprend bien que l'histoire polonaise, c'est pas l'histoire française, et qu'on peut pas mettre tout le monde au même niveau, etc. Bon, bah, c'est exactement la même chose. Bon, à une nuance près, quand même, hein, ils ont tous la même langue. Mais c'est quand même la même chose entre le Tennessee et l'État de New York. On est sur des États très différents, des populations très différentes. Donc, il faut avoir cette idée en tête. J'y reviendrai plus tard dans l'émission. Alors, on attendait les résultats, et puis les résultats ont tardé. Ils ont tardé, on s'est dit, bon, ben, on va les avoir le lendemain, et puis on les a pas eu le lendemain, et puis on les a 48 heures après, etc. Bon, finalement, samedi soir, on a eu un résultat qu'on commentera un petit peu après. Alors, avant de rentrer dans le détail de tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire, juste? Ça peut être sur n'importe quoi, hein, le traitement médiatique, ça peut être... Je ne parle pas de l'évolution ultérieure, parce qu'on va en parler, hein, du résultat, etc. Mais, enfin, le résultat contesté, d'ailleurs. Mais comme ça, enfin, cette nuit électorale, le 3 novembre, enfin, comment vous avez vécu ça, vous? Parce que je sais que parmi nos membres ici, vous avez suivi ça en direct, en fait. Hein, vous êtes tenu au courant, en live. Enfin, pas la nuit même, mais à partir du lendemain matin. Hein, on a suivi l'évolution. Moi, j'ai suivi l'évolution des votes avec pas mal de gens. Et c'est vrai que c'était marrant, les surprises. On arrête de compter les votes et puis tout d'un coup, hop, ah bah tiens, là où il y avait une forte avance pour Donald Trump, quand on se remet à compter, on a trouvé. Il y a eu un saut, tu vois, d'un coup, il y a des centaines de milliers de votes qui débarquent comme ça. Ouais, pour Biden, ouais. Pour Biden, et puis, bon, ça reste, ça finit dans un mouchoir de poche, mais ça finit comme il faut, quoi. Enfin, comme il faut pour le camp Biden. Traitement médiatique, est-ce que vous avez suivi dans les médias français le traitement médiatique de cette nuit électorale? Moi, non, je le confesse. Est-ce que vous l'avez suivi? Je suppose qu'il est similaire à tous les traitements médiatiques. C'est parce que ça, c'est assez insupportable, enfin, en même temps on est tellement accoutumé, mais enfin ils font campagne à chaque fois pour le Parti démocrate, enfin, c'en est rigolo, parce que à force, je présume que c'était pareil cette fois-ci, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ça nécessairement. Maintenant on suit beaucoup par internet, enfin, moi je suis par internet, donc je ne m'occupe pas du tout de ce que dit LCI ou France 2, ou... j'en fous, mais... ou même ce qu'on dit les gens sur les réseaux sociaux. Non, vous n'avez pas suivi particulièrement. Au niveau télévision, alors, le service public est égal à lui-même, hein, donc effectivement là c'est la libération, hein, d'ailleurs depuis qu'il y a eu l'annonce des résultats le samedi sur les journaux, ça, on a montré, oui, le peuple attendait, ils sont là devant la Maison Blanche pour demander à Trump de s'en aller, c'est une libération, hein. Bon. Ouais, c'est-à-dire que Trump a 10% des électeurs, 90% des électeurs contre lui, quoi, c'est ça, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Après, tu as d'autres, des chaînes un petit peu plus, qui ont un petit peu une note un peu plus à droite, entre guillemets, du style CNews, où là, c'est un petit peu plus, plus tempéré au niveau du traitement, quoi. Alors, faisons le point sur la situation purement factuelle, hein, de cette élection. Alors... Là, je vais citer Radio-Canada, qui nous donne des informations qui sont très utiles, hein, elles sont purement objectives, là, hein, c'est pas du tout polémique. Donc, plus de 66% des électeurs éligibles ont voté mardi, un taux de participation jamais vu depuis 120 ans. Il y aura peut-être une petite explication, hein, quand même, sur ce... Bon, ça explique pas la participation, qui était, je pense, honnêtement, qui était forte, parce qu'il y avait un vrai enjeu, mais il y a d'autres paramètres. Le taux de participation a par ailleurs augmenté de plus de 6% depuis la dernière élection. Selon le US Election Project, 158,9 millions d'Américains ont voté mardi, environ 239 millions d'Américains pouvaient exercer ce droit de vote. Il faut remonter à 1904 pour avoir un taux de plus de 65%. Lors de cette élection, Theodore Roosevelt avait été réélu pour un deuxième mandat. Entre 1840 et 1900, le taux de participation dépassait 70%. En 1996, à la réélection de Bill Clinton, le taux est tombé à 51,6%, donc une fatigue de l'électorat à cette époque-là. Depuis, le taux de participation continue d'augmenter. Le taux de participation a dépassé 70% dans 22 États, dont 4, le Minnesota, le Wisconsin, le Wyoming et le New Hampshire, où plus de 80% des électeurs ont voté. Dans 5 États, le Tennessee, l'Arkansas, l'Oklahoma, la Virginie-Occidentale et Hawaï, moins de 60% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Plus de 101 millions d'Américains ont voté avant le jour du scrutin, donc c'est-à-dire par correspondance. Hein, ou bien de façon, comment dirais-je, il y a correspondance et aussi le fait de pouvoir voter en avance. C'est particulier, comme vous savez, parce qu'ils ont des modes de scrutin, et ça c'est très important. On parlait de la structure fédérale, c'est extrêmement important à comprendre. Le vote les États ne procèdent pas à l'organisation du vote de la même façon. Chaque État, et c'est garanti par la Constitution, chaque État a le pouvoir d'organiser le scrutin selon des règles qui lui sont propres. On va y revenir, mais ça joue un rôle fondamental. Donc, d'un état à l'autre, vous devez venir avec une pièce d'identité avec votre photographie ou venir sans pièce d'identité. Donc, évidemment, là, y a une différence. Donc, 101 millions d'Américains ont voté avant le jour du scrutin, dont 36 millions par la poste, un record. En 2016, environ 33 millions d'Américains avaient voté par la poste. Plusieurs États ont modifié leur loi pour permettre à un plus grand nombre, d'électeurs de voter par correspondance en raison de la pandémie de Covid-19. Mais cet afflux de votes postaux a ralenti le processus de dépouillement dans certains États. Pour l'instant, Joe Biden, alors ça c'est au moment où l'article est rédigé, hein, Joe Biden semble avoir remporté le vote populaire avec un peu plus de 50% des voix. Donald Trump n'est pas loin derrière avec environ 48% du vote populaire. Lors de la dernière élection, malgré la victoire présidentielle de Donald Trump, c'est Hillary Clinton qui avait remporté le vote populaire par seulement 2,1 points de pourcentage, donc 52 contre 48, disent-ils, quoi. Il y a au total 5 élections où le président élu n'a pas remporté le vote populaire, soit en 1824, avec le président Adams, 1876 avec Hayes, en 1888 avec Harrison, en 2000 avec George W. Bush et en 2016 avec Donald Trump. Depuis 2000, le vote populaire est relativement serré entre les républicains et les démocrates. Alors nos auditeurs ont compris la différence entre le vote populaire, qui est le vote purement majoritaire, le nombre d'électeurs qui choisit tel ou tel électeur, et ensuite, comment dirais-je, le vote présidentiel qui sera déterminé par le collège des grands électeurs. Donc c'est important à comprendre cette distinction. Ça c'est d'une. Ensuite, le vote, le vote avec délai, c'est-à-dire que vous pouvez, dans toute une série d'états, l'élection a lieu plusieurs semaines avant, vous votez avant le jour dit de l'élection. Et puis le vote par correspondance aussi, qui est un vote par délai. Hein. Donc je pense que les gens l'ont compris. En ce qui concerne le vote populaire entre Trump et Biden, il faut savoir que Obama avait plus de 52% du vote populaire. Donc ce n'est pas du tout un facteur décisif. Hein, et ça, c'est important d'y insister. Donc voilà pour la participation. Alors, maintenant, je lis un autre article. Ouest France. Hein. Cette année aux États-Unis, plus de 100 millions d'Américains ont voté de façon anticipée à l'élection présidentielle. Sur 159 millions de votants. C'est un record. Parmi ces votes anticipés, 63,9 millions de personnes l'ont fait par courrier. Donc ils apportent une correction par rapport à l'article de Radio-Canada. Qui a été réalisé plus tôt. Donc il y a 63,9, pratiquement 64 millions de personnes qui ont voté par courrier aux États-Unis. Des chiffres historiques qui s'expliquent notamment par la pandémie de Covid-19, de nombreux électeurs ayant souhaité éviter les files d'attente le jour du scrutin. En comparaison, 57 millions d'électeurs avaient voté en avance en 2016, dont environ 33 millions par correspondance. Donc en gros, il y a pratiquement deux fois plus de personnes qui ont voté par correspondance cette fois-ci, sous l'influence de tout ce discours sur le Covid-19. Alors que certains États comme la Floride sont depuis longtemps rodés au vote par correspondance et ont pu communiquer leurs résultats rapidement, d'autres ont eu plus de difficultés. Dans les États clés de la Rust Belt, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin, les votes par correspondance n'ont ainsi commencé à être dépouillés qu'après le décompte des votes physiques, provoquant d'importants retards. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Par ailleurs, les services postaux américains avait prévenu la plupart des États qu'il pourrait y avoir des retards sur les votes par correspondance. Ne riez pas, mais on va revenir sur tout ça. En réaction, la Caroline du Nord, autre État disputé, a décidé d'accepter les bulletins envoyés par la Poste jusqu'au 12 novembre, à partir du moment où le cachet de la Poste prouve qu'ils ont été envoyés avant le jour de l'élection. Mais on va revenir là-dessus. Alors, messieurs, il y a eu une formidable opération, je vais dire franchement, de propagande de la part des médias en faveur du vote par correspondance. On leur a dit, n'allez pas faire la queue dans les bureaux de vote, vous allez tomber malade. Hein ? S'il vous plaît, utilisez le vote par correspondance. C'est marrant parce que pour l'anecdote, nous, on a eu le cas en France. Ils nous ont dit l'inverse. Ils disent surtout allez voter, s'il vous plaît. C'était au mois de juin, hein? Non, c'était durant la dernière période durant la dernière période du Covid. Ils avaient envoyé les vieux, notamment, parce que c'est les vieux qui votent, ils avaient envoyé voter en masse. Oui, mais je veux dire, le vote avait eu lieu au mois de juin, non? Non, le premier tour, c'était en mars. Ouais. Ah, le premier tour. Et il y avait le second tour. Oui, c'est vrai, il y a les deux tours. C'est-à-dire qu'on nous voilà, a confiné, selon leurs besoins, vous irez voter ou on nous a confiné le lundi et le dimanche la veille, vous avez envoyé aller voter, il faut voter parce que démocratie, république, tout ça, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut s'attarder là-dessus, là, sur ce point central qui est fondamental et on comprendra pourquoi par la suite, du vote par correspondance. Le système a voulu que les gens aillent voter. Que les gens votent par correspondance plutôt qu'ils n'aillent voter dans les bureaux de vote, en sachant que Trump et à mon avis, très intelligemment, parce que c'est clair qu'il savait ce qui se passait. Hein, Pourovitch me disait ça, il me disait, je savais qu'il le dénonçait, hein, le vote par correspondance, très tôt, ça fait plus de 6 mois qu'il en parle. Oui. Parce que bon, il était informé, c'est le président des États-Unis, il est quand même très bien informé, il savait exactement ce que préparait l'État profond, les démocrates, voilà, il savait tout ça. Donc, il voulait des votes sûrs, autant que faire se peut. Et donc, il a invité ses supporters à se déplacer en personne, plutôt que d'opter pour les votes par correspondance, sachant très bien ce qui allait se passer. A contrario, le système, qui lui aussi suivait sa propre logique, il dit non, votez par correspondance, s'il vous plaît, votez par correspondance, sinon vous allez tomber malade, vous allez contracter le Covid-19. Ça a très bien marché, indubitablement, puisqu'on est passé de 33 millions de gens votant par correspondance il y a 4 ans à aujourd'hui pratiquement 64 millions. Donc ça a formidablement bien marché, 30 millions de personnes de plus ont voté par correspondance, 31 millions. Bon. En comptant les morts ou pas? Ah ben là, on va y venir. Il faut aussi compter les chats morts, on va y venir. Alors, est-ce qu'on... moi, je voudrais quand même... 100 millions, t'as dit 100 millions de votes par correspondance? Non. Il y avait 33 millions de votes par correspondance en 2016. Oui. Aujourd'hui, c'est 63,9 millions, presque 64 millions de personnes qui ont voté par correspondance aux États-Unis. Sur 160 millions en gros de votes totaux. Hein. C'est ça, et en sachant que il y a les votes par correspondance et les votes anticipés, c'est-à-dire tu votes avant la date fatidique, ça c'est 100 millions de personnes au total, correspondance plus vote anticipé. Mais les votes par correspondance, c'est pratiquement 64 millions de personnes, c'est un tiers, on va dire à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers, mais oui, un bon tiers. Du corps électoral qui a voté par correspondance. Ouais, c'est beaucoup. On passe de 15 à 34-35% du corps électoral qui vote par correspondance sous la pression de cette campagne de terreur sanitaire. Donc, vous voyez, on a souvent parlé de ça, mais je veux dire, cette histoire de virus, de Covid, ça impacte les gens, faut pas croire. Ça leur fait très très peur. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment peur. Nous, ça nous fait marrer, mais surtout les vieux, quoi. Et les vieux, ils ont tendance à voter plutôt quoi? Plutôt Trump, vous voyez? Il faut se poser des bonnes questions dans certains États. C'est un véritable couteau suisse, en plus. Hein. Ça marche pour tout. Totalement. Et alors, en France, ça existait auparavant. Ça a été interdit il y a 25 ans environ, je crois, parce qu'on considérait que le vote par correspondance, en général, favorisait la fraude. et c'était titré comme tel par Le Monde et tous les organes de presse médiatique. Donc, c'est quelque chose qui avait été admis mondialement, quasiment, comme quoi le vote par correspondance a validé la fraude. Ça a été décidé en 75 en France. 75. Oui, à l'époque où la poste était encore un truc public, et donc ça devait être truffé de... Bien sûr. De cégétistes patentés qui allaient, qui pouvaient avoir la main qui démangeait. Oh non! Non! Quand même! Mais bon, voilà, en France, alors, mais ils n'en parlent pas, hein, ils sont d'une discrétion absolue. Donc en France, ça fait 45 ans qu'il est admis que le vote par correspondance favorise la fraude. Bon. Attends, petit oui. Petit point là, avant qu'on passe. Ah bien sûr, non, mais il faut y aller, hein, n'hésitez pas. Sur les réseaux sociaux, dès que tu postais un texte, une image faisant référence aux doutes qu'on pouvait avoir sur le vote par correspondance aux États-Unis, tu avais en bas un petit bandeau de Facebook qui te disait ah tiens attention information pourquoi le vote par correspondance est sûr depuis très longtemps. Cliquez pour regarder, en gros, cliquez pour qu'on vous explique pourquoi c'est bien. Ouais. Voilà, conditionnement médiatique, je ne sais pas si on... Si non, mais le rôle des réseaux sociaux est absolument énorme de ces grandes entreprises de la Silicon Valley, toutes contrôlées par des juifs, d'ailleurs. Des réseaux sociaux d'une part et des médias traditionnels de l'autre, oui. Parce que les sondages qu'on nous annonce depuis des mois... avec Joe Biden en tête de 10 points partout, etc., etc. Ah bah oui, non mais là personne n'en parle, personne n'en parle. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est que d'annoncer une telle avance. C'est délirant. Et bien entendu, quand le Rasmussen annonçait le contraire, hein, l'Institut de sondage, dans les médias traditionnels, c'était raillé. Hein, c'était, oui, ces gens-là ne sont pas sérieux, alors que bon, ils ont été sérieux il y a 4 ans. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. En tout cas, les résultats qu'il donnait avaient une marge d'erreur, même s'il donnait Trump victorieux, il donnait une marge d'erreur. Les résultats étaient dans la marge d'erreur. Mais systématiquement dénigré par des gens qui sont là pour décourager les gens. Ils disent ouais, c'est perdu, c'est pas la peine d'y aller, etc. Bon, ouais. Faut comprendre. C'est ça au prix. Qu'une avance comme ça de 10-12% comme a été annoncé dans les élections présidentielles américaines passées, c'est pas arrivé depuis des années, quoi. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc quand les mecs arrivent avec leurs putain de gros sabots à vous balancer ce genre de conneries, faut pas lire le petit bandeau qui est en dessous, faut se poser des questions. Bah ça c'est une très bonne question, cette question de sondage, parce que j'ai suivi les sondages sur les réseaux sociaux, parce qu'on était quand même assez bombardés en disant, voilà, Biden, 12%, comme vous l'avez bien dit, hein, il y avait parfois des avances encore plus grandes, et c'était évident que c'était délirant. Mais ça, c'est pas considéré comme des fake news, hein, ce n'est pas censuré, au contraire, c'est promu par tous les grands médias. Donc, et curieusement, après avoir été démenti dans les urnes, parce que là, on est bien d'accord que de toute façon, l'élection, quand vous vous intéressez aux endroits, elle se joue sur peu de choses. Hein. Il n'y a pas de mec qui s'interroge en mode merde, en fait, tous ces sondages, ils étaient faux. Comme en 2016 d'ailleurs. Hein. Ils étaient faux. Ah non, il n'y a aucun travail d'autocritique. Tout ça, c'est hop, on met ça sous le tapis, voilà. Mais les mêmes gens vont nous dire ouais, on va faire du fact-checking. On va continuer à faire du fact-checking. Donc ils fact-checkent les mecs. Et ils nous foutent des énormes bobards sous le nez, et les types continuent à faire du fact-checking, hein, vérification de faits. Je crois que c'est Jean-Yves Le Gallou qui disait à propos de ça, il disait ce ne sont pas des décodeurs, ce sont des réencodeurs. Il faut bien mesurer quand même à qui on a affaire. Hein. Ce sont des gens qui sont des professionnels de la désinformation, qui continuent de désinformer. Donc voilà, et... quand tu dis ça, Derek, quand tu me parles de cette histoire-là de messages d'avertissement, maintenant on a plein de quand c'est sur Facebook, maintenant t'as plein de messages d'avertissement dans tous les sens. Sur Twitter, c'est pareil, t'as les trucs bing, bing, bing, au secours, le Covid, le bing, ah ouais, attention, les élections, truc. Etc. Mais c'est soviétique, quoi. Je veux dire, enfin, tu sens que les types veulent te mettre dans une ligne, tu vois. Voilà, on te dit, voilà, il faut penser ça, faut pas penser ça. Attention, fake news, ça a été débunké par, etc. Des mecs qui ont été C'est ça, en France, Facebook est co-managé par toute une série de médias, mais en gros, c'est des micro-groupes de désinformateurs d'extrême gauche, issus du journal Le Monde et d'autres. Libération. On aura un courrier des lecteurs à citer dans une autre émission, justement, d'un insider du journal Le Monde, extrêmement intéressant. Je dis bien d'un insider, hein, un mec qui a été dans la rédaction du Monde, qui nous explique comment les types désinforment. C'est extraordinaire. Bon, voilà, on voit que c'est. Bon, il y a une coordination. Donc, nous avons les réseaux sociaux, donc la Silicon Valley, les GAFA, comme on dit, il y a les médias traditionnels. Donc établis, voilà, presse écrite, presse télévisée, presse radiophonique. Et c'est ces gens-là qui prétendent donc nous dire, et puis ensuite les sondeurs, hein, qui nous disent, voilà, comment ça va se passer. Donc, bon, on a bien compris qu'il était censé y avoir un vainqueur et un vaincu, et qui c'est qui allait perdre et qui c'est qui allait gagner. Donc, Madame Soleil, on l'a eu tous les jours pendant plus d'un an. Et en dépit de tout ce qu'on nous avait dit, parce que là, je ne sais pas si vous avez senti ça, mais dans la gauche américaine, alors, ils sont contents officiellement maintenant. On va revenir sur le résultat officiel. Même pas officiel d'ailleurs, mais allégué. Mais il y a quand même eu un énorme désenchantement parce qu'ils avaient conditionné tellement les masses de leurs supporters à une victoire écrasante, à une libération, comme tu disais, Porovic, de l'Amérique, des griffes du fascisme. Ils se disaient, mais on va gagner... 65-45, quoi. Ça va être la victoire en chantant. Et quand ils ont vu qu'en fait, l'élection s'est terminée avec des histoires d'apothicaires dans 3 ou 4 États, là, ils se sont dit, ah, ouais, en fait, notre victoire à 65-35, elle est pas tout à fait là, en fait. Hein, voilà. Et il y a un autre truc qu'il faut pas sous-estimer, c'est qu'ils ont chauffé à mort l'extrême-gauche aux États-Unis et l'aile gauche du Parti démocrate. Mais à fond, quoi. Racisme systémique, on avait parlé de l'affaire Floyd, etc. Bon, je vous en passe, nos auditeurs, vous-même, vous connaissez ça très bien. Mais ils les ont chauffé à fond. Donc les types se sont dit, mais non seulement on va dégager Trump, mais on va être aux commandes. Et là, on leur met un mec comme Biden, qui est un vieux blanc, qui gagne soi-disant, mais on va y revenir. Et là, il y a... y a comme un désenchantement. Il y a des poids. C'est pas exactement ce qu'on nous avait dit, quoi. Voilà, on n'était pas censé avoir un mec mou, blanc, hétérosexuel, catholique. Pour faire une espèce de voilà bon on a senti quand même comme une espèce de voilà de manque d'enthousiasme. Est-ce que vous avez observé ça aussi? Les républicains n'ont pas eu de primaire à proprement parler. Il y a eu des débats sur est-ce que Donald Trump doit reprendre le flambeau. C'était vite écarté, hein. C'était même pas un sujet. Par contre, les démocrates ont eu une primaire et donc la présentation de Joe Biden n'était pas du tout évidente. On parlait bien sûr de Bernie Sanders, qui est là quasiment à chaque élection et qui a fait un score honorable, d'Elizabeth Warren et de Bloomberg. Et pendant la primaire démocrate, c'est assez tendu. Il y a même des insultes qui sont échangées. Et, alors, est-ce que tu peux dire qui est de quel bord? Parce que nos auditeurs ne savent pas nécessairement ça. Qui, par exemple, Bernie Sanders, c'est qui, il est sur quelle ligne? Pas dans les détails, hein, mais je veux dire, en gros, qui est Bloomberg, qui est Warren? Alors, on va commencer par Sanders. On va dire c'est un juif déjà, hein, c'est un juif qui est un communiste. Enfin, je ne peux pas le mentionner mieux que ça. C'est un communiste qui valide à peu près tout ce que l'extrême gauche peut proposer, qui est sur des taxations de tout en fait. Le mec, il veut tout taxer. Voilà. Bloomberg, il est un peu énigmatique. Lui, en fait, sa force, c'est son pognon. Voilà. Il est juif aussi, précise-le quand même. Oui, voilà, il est juif. Elizabeth Warren, c'est un peu la voix, c'est l'aile gauche, toujours du Parti démocrate, mais gauche-centre, c'est quelqu'un qui se prononce peu sur les questions économiques, je trouve, mais par contre qui se prononce à mort sur les questions de société. Voilà. C'est une vieille folle de blonde aux yeux bleus qui essayait de faire croire qu'elle avait des origines indiennes. Voilà, Pocahontas l'avait surnommé le président Trump. Et, oui, juste précision, elle s'était faite, elle s'est fait passer pour une indienne à plumes, hein, pour rentrer dans les quotas dans les universités, quoi. Ouais, hein, parce qu'elle était nulle en fait. Parce qu'elle était nulle, hein, ouais. Ouais. Mais bon, quand même, à son avantage, elle a quand même un vagin, quoi. Voilà. Voilà, oui, en fait, je crois que c'est ça son principal argument. C'est bonjour, j'ai une chatte. Oui, bonjour, je suis une merde, mais s'il vous plaît, les quotas, quoi. Elle avait fait un test ADN pour prouver qu'elle était. 1%. Qu'elle avait des origines indiennes d'Amérique, hein, je parle. Et puis il avait découvert, oui, vous avez vu, j'ai bien un 36e de je sais pas trop quoi. Et Biden, c'est un peu le droite, entre guillemets, du Parti démocrate. C'est quelqu'un qui est assez consensuel dans toutes ses prises de position dans le parti. Et en fait, il est transparent comme type, quoi. Il est transparent, c'est un vieux renard, c'est longtemps qu'il est là en plus, hein. Il a commencé la politique assez tôt. Et il a en lui-même reproché d'être raciste à l'intérieur du Parti démocrate. Je ne sais pas si vous imaginez le délire, quoi. Bah, ce n'est pas totalement infondé, puisque vous allez voir que ça peut jouer. Il s'en était pris. Vous savez que... Clarence Thomas. Clarence Thomas, qui est un juge de la Cour suprême noir, le seul noir, avait dû passer... Vous savez qu'il faut qu'il passe devant le Congrès pour être accepté. Et donc il y a des auditions publiques, comme Kavanaugh qui avait été traîné dans la merde, il y a donc un juge qui avait été choisi par Trump qui avait été traîné dans la merde, on l'avait accusé d'avoir commis des agressions sexuelles, ce qui est complètement bidon. Mais encore un show complètement écœurant du Parti démocrate avec la complicité des médias qui ont validé, hein, qui l'accusaient d'avoir violé. Alors tout ça s'est dégonflé, mais ils ont... C'était scandaleux. Des accusations vieilles de 20-30 ans. Hein, oui, mais qui ont même pas eu. Il n'y avait même pas de fondement, rien, à aucun moment. Et les médias présentaient ça comme si c'était authentique. Notamment CNN. Enfin, c'était complètement fou. Simplement parce que c'était le mec que Trump avait choisi. Alors que le Kavanaugh en question était beaucoup plus modéré en tant que juge sur toute une série de questions. Et même pas du tout une espèce d'illuminé de droite dure ou quoi que ce soit. C'était pas du tout le cas. Et ce noir, Thomas, a été auditionné en 1990 par un homme qui s'appelait Biden. Biden qui l'a accusé d'avoir commis des agressions sexuelles. Alors, donc il y a le juge Thomas a écrit une biographie, une autobiographie, dans laquelle il revient sur cet épisode-là, et il dit c'était un high-tech lynching. Ça veut dire, alors, lyncher aux États-Unis, ça a une signification et une seule, c'est quand les Blancs lynchent des nègres à des arbres, dans le sud des États-Unis. Il appelait ça high-tech lynching. Il a dit, en gros, voilà, ce que m'a fait Biden, il m'a lynché à un arbre. Je me souviens, c'est dans son autobiographie « I didn't do nothing ». Non, mais c'est, bah, il n'avait rien fait, le mec. Je veux dire, le nègre... Je te demande à vérifier, excuse-moi. Il n'empêche que Biden l'avait accusé de ça. En direct, au Congrès, filmé. Et le nègre était vraiment déstabilisé, quoi. Il était là, merde, où je me retrouve, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors évidemment, il n'y avait pas le moindre soupçon de début d'éléments. Mais il n'en demeure pas moins que le Thomas Clarence l'a pas du tout accepté. Et d'ailleurs, il s'est senti agressé par Biden en tant que nègre. Et donc, il est toujours à la Cour suprême à l'heure actuelle, ce mec ? Ah ouais, ils sont nommés à vie. Tiens, c'est rigolo, ça. Voilà, et alors donc... Il va peut-être avoir à statuer là-dessus. Ah tiens, puis il sort mal. C'est dommage. Bonjour, monsieur Biden, vous rappelez de moi. Comment allez-vous ? Oh, ça fait longtemps, hein. Alors, comment dire... Enfin bon, voilà, donc c'est... Je précise un truc, c'est que toutes les... Alors oui, ça, donc, pour en revenir à ce que tu disais, juste simplement, donc, on a cité Warren, on a cité Bloomberg, on a cité Sanders, tu nous as dit que donc, la primaire avait été très agitée entre tous ces gens, et on continue ? Oui, parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas les noms qu'on a cités là, bon, c'est normal, hein, c'est pas crucial peut-être pour la politique française, mais en tout cas, les Américains les connaissent très très bien, ces noms-là, parce qu'en fait, il y a juste... On peut le dire de manière très simple, il y a juste deux partis aux États-Unis qui existent vraiment médiatiquement, voilà, les démocrates et les républicains. Et le reste, vraiment, c'est assez confidentiel. Et Biden, voilà, c'était le mec qui, vous savez, c'était l'anguille, quoi. Et en fait, il a transformé son côté mou, consensuel, qui n'est pas vendeur, en un argument contre Donald Trump. Parce que, bien sûr, l'élection qui vient de se dérouler, c'est est-ce que vous voulez la réélection de Trump ou pas ? C'est pas est-ce que vous choisissez entre Biden ou Trump. Voilà. Et donc, le problème de Sanders ou de Warren ou de Bloomberg, c'est que c'est des gens, ils ont une couleur politique bien précise, ils sont un peu dans une sorte de bulle. Et donc, c'est, ça peut, voilà, ça peut, les gens qui sont vraiment, qui sont à gauche, mais sans plus, ils peuvent se dire, ouais, bon, au pire, je vais pas voter. Alors que Biden, on, voilà. En fait, le mec, il est tellement d'accord avec tout, que, voilà. Mais c'est un, enfin, il est, comment dire, il est transparent comme type, hein. Je sais pas si vous mais avez... c'est pour ça qu'il est nommé. C'est-à-dire que Trump est un type, d'abord, c'est pas un politicien professionnel, c'est un homme de la société civile. Qui a fait carrière sous son nom l'essentiel du temps jusqu'à la retraite telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire à plus de 60 ans. Biden est un politicien professionnel. C'est quelqu'un qui a toujours dit oui à tous les mecs qui lui filaient du pognon pour qu'il vote ou pour qu'il décide de tel ou tel truc. Et donc, c'est un mec comme ça que l'État profond veut à la Maison-Blanche. C'est un mec qui dit « Oui, j'ai compris, je signe. » Trump, c'est un mec qui peut dire non, je signe pas, je suis pas d'accord. Ça, c'est la différence fondamentale. C'est un politicien professionnel, mais en plus d'être un politicien professionnel, c'est ce que tu dis avec justesse, c'est que le type est totalement transparent. C'est-à-dire que le mec n'a pas de conviction. Aucune. Il va dire amen à tout. Vraiment amen à tout. Et alors, pourquoi ils ont choisi ce mec-là ? Alors, il faut savoir que Hillary Clinton était quand même pressentie pour tenter sa chance. Une deuxième fois. C'est dommage, ça. Oui, c'est dommage, quelque part. Mais elle était pressentie. Elle s'est tâtée, elle a dit « Est-ce que je le tente ? Est-ce que je le tente pas ?» etc. Bon. Finalement, c'est tombé sur Biden. Deux points qui ont joué en sa faveur, en plus du fait d'être un politicien professionnel, ce qui rassure. Le mec a été le vice-président d'Obama. Donc, il a été dans le game, comme on dit. Voilà, il connaît le fonctionnement de l'État. Il est dans l'équipe d'Obama. Il connaît le jeu. Il n'y a pas de problème, pas d'imprévu. Et comme il est absolument transparent, comme tu l'as bien dit, et qu'il est très centriste, au fond, par rapport à la base du Parti démocrate, qui est de plus en plus à gauche, et d'ailleurs de moins en moins blanche, c'est le cas de le dire, finalement, il rassure tous ces possédants de la bourgeoisie blanche, indécis, voilà, et ils disent, bah, finalement, Biden, Biden peut nous protéger, nous, de l'aile la plus radicale, vous voyez, c'est un argument de vente. Et il peut dire, voilà, finalement, avec moi, vous n'aurez pas Trump, parce que vous n'aurez pas tout le grand programme populiste blanc, etc., mais quand même, rassurez-vous, avec moi, pas d'aventurisme, pas de fuite en avant, etc. Mais on vous met une Kamala Harris à côté, hein, donc une femme qui est d'origine africaine en partie et d'origine indienne et qui est mariée à un juif, pour quand même le côté couleur diversité. Donc voilà, donc ancien vice-président d'Obama, très centriste au fond, ça rassure les grands donateurs du Parti démocrate, donc les grandes puissances d'argent. Voilà, le mec va pas faire une politique communiste. Mais c'est une arnaque, parce que quand oui. On voit qui est Kamala Harris, et qu'on voit l'état de santé de Biden, croyez-moi, c'est un piège. Hein. C'est un énorme piège. Exactement. Sénateur pendant 35 ans, le bonhomme, hein, de l'état du Delaware aux États-Unis, donc c'est un état qui est minuscule. Hein. C'est un paradis fiscal, on appelle ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est 35 ans sénateur, au niveau sac à merde, on est à peu près au niveau de Mélenchon. Hein. Attends, 35 ans sénateur d'un paradis fiscal. Oui, et puis il y a aussi quelque chose, c'est qu'il est mouillé dans beaucoup d'histoires. Et ce qui a été révélé suite à la découverte de l'ordinateur portable de son fils, Hunter Biden, c'est que, ses enfants devaient reverser... qui étaient des comités centraux d'entreprises mafieuses, gazières, ukrainiennes, etc., devaient reverser leur argent, une partie à Joe Biden, qui disait que lui, qu'il n'avait rien touché. Donc Biden est mouillé dans des histoires louches autour de l'Ukraine, autour de la Chine. On l'accuse d'avoir touché beaucoup d'argent, etc. Donc, à mon avis, c'est aussi que l'État profond, entre guillemets, a tellement de dossiers sur lui qu'il est obligé d'obtempérer. Il n'a pas d'autonomie. Alors déjà, sur le plan intellectuel, il décline énormément parce qu'il a des problèmes cognitifs, maladie d'Alzheimer probablement. Et puis vu les casseroles qu'il a, en fait, c'est un pion, quoi. Il peut rien faire par lui-même. Quoi, c'est tout. Ouais. Et puis sur le plan économique, un mec qui taxe à 50% ses propres enfants, il est impeccable. Bah tant qu'on y est, je vais quand même préciser ça parce que pour nos auditeurs, c'est peut-être pas évident. Vous avez un mec qui a 78 ans officiellement, qui montre des signes avant-coureur de sénilité, mais de toute façon à 78 ans, le type, je veux dire, on ne sait pas, il peut faire un arrêt cardiaque, il peut faire un AVC, il peut attraper le cancer, foudroyant, enfin il peut se passer des tas de trucs. Oui, il peut être déclaré en incapacité. Ou bien unilatéralement déclaré en incapacité, comme on déclare aussi des scores électoraux un peu, voilà. Ou comme on déclare des papes aussi. Aussi. Je crois pas qu'on en ait parlé, mais juste la veille de l'élection ou l'avant-veille, il a fait une sortie devant chez lui avec sa famille, donc ses petits-enfants. Il s'est carrément gouré il a pris sa petite fille. Il a appelé, il a dit ouais, c'est mon fils Beau. Il a un fils qui est mort il y a 2-3 ans d'un cancer. Donc il a dit ouais, ben, c'est mon fils qui est là. Après, ah ben non, c'est pas ça, c'est un autre nom. Et c'est, en fait, il s'est gouré du nom de sa petite fille aussi. Il faut dire la vérité aux gens. Il donne pas des signes de sénilité. Ce mec est mort, c'est de la nécromancie. Ah oui. Là y a ils ont filé des stéroïdes. Il y a un exosquelette là-dedans, ça le fait bouger, mais il est mort. Non, mais on va revenir là-dessus. En début d'année, il était carrément fatigué. Et d'un coup, ils ont mis des trucs, quoi. Donc là, ouais. Physiquement, il arrive à faire illusion, mais la tête, elle ne suit plus. Hein. Ils vont l'achever, hein, parce que quand ils dopent comme ça, je veux dire, il y a une contrepartie. Hein. Dump. Au niveau médical, je veux dire, c'est pas sans conséquence. Hein. Avant le premier débat, Trump voulait que Joe Biden fasse un dépistage de drogue, etc., parce qu'il n'avait pas confiance, quoi. Oui, il a refusé, d'ailleurs. Bah évidemment qu'il a refusé. Alors le truc évidemment. Qui est important dans tout ça, c'est pas uniquement de se dire ouais mais Biden il montre des signes de sénilité, il est gros temps, etc. C'est pas juste ça. C'est que, et ça c'est très important, c'est-à-dire que la Kamala Harris, si jamais Biden quitte sa fonction, soit qu'il décède, soit qu'on estime qu'il n'est plus en mesure de l'occuper, ce qui peut être décrété par un collège de médecins en fait, hein. Toujours bien orienté, bien évidemment, Kamala Harris devient présidente. Bien. C'est une femme qui a été parfois positionnée à gauche de Bernie Sanders par certains médias. Certaines fois, oui, sur d'autres choses plus à droite, enfin bon. Mais ce qui est important, c'est que cette femme-là, si elle devient présidente en cours de mandat, même au terme de la première année, imaginons, 2021, même 2022, il faut voir une chose. C'est que au terme de la Constitution américaine, elle peut se représenter pour deux mandats, car un candidat élu ne peut se présenter que pour deux mandats. Il remporte le premier mandat, il se présente une deuxième fois. Ça c'est une chose. Et donc cette femme-là, si elle devient présidente, si Biden se retire, elle pourra se représenter en 2024, enfin se présenter en 2024 et en 2028. Donc si jamais l'ancien, là, il casse sa pipe en 2021 ou en 2022, théoriquement, Kamala Harris, elle est là jusqu'en 2032, potentiellement. Je vais dire à un internaute que Kamala Harris, c'est la plus formidable affaire viagère de l'histoire. Bah, c'est une bonne remarque. Donc il faut bien comprendre ici que ce qui se passe... C'est pas juste qui va dégager Trump dans le mois qui suit. C'est qui va être aux commandes potentiellement jusqu'en 2032. Ce qui est quand même assez long. Hein. C'est grosso modo la durée de l'exercice d'une direction à la tête du Parti communiste chinois. Donc, Tiens. Oui, non, mais voilà, il faut quand même mesurer ça. Donc on a peut-être, en toute potentialité, hein, on a peut-être quelqu'un qui est là pour 13 ans. Donc voilà, donc il faut quand même le dire, voilà. Et c'est Kamala Harris, pardonnez-moi, et pas Biden. Alors bon, il fallait s'arrêter là-dessus. Je voulais préciser aussi une chose, c'est que Kamala Harris a été photographiée en compagnie du fils de George Soros, qui dispose d'une puissance de frappe financière absolument considérable et qui est un des principaux financiers du Parti démocrate. Ça ne surprendra bien évidemment personne, puisque Soros était pratiquement, pour ainsi dire, c'est marrant, mais c'est un financier marxiste juif. Il n'y a que les juifs qui réussissent à réaliser ces synthèses dialectiques-là, mais c'est authentique. Et je veux dire, c'est quelqu'un qui est, en plus, de par son conjoint d'origine juive, est totalement acquise à la cause de la suprématie juive sur les États-Unis. Hein, donc on est bien d'accord. Alors messieurs, intéressons-nous aux États qui deviennent des terrains d'affrontement privilégiés. Donc Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Arizona, pour ne citer que, il y a aussi la Géorgie. Donc là on rentre dans la question en fait de la fraude. Ce qui me frappe, c'est que dans les médias, alors il y a des ordres stricts qui sont donnés aux États-Unis aussi, c'est qu'il ne doit pas être commenté les dossiers de fraude, les allégations de fraude, les questions sur la fraude, dont nous allons parler maintenant. Donc, médiatiquement, cela n'existe pour ainsi dire pas. Je dirais même qu'au moment où je parle, Trump, médiatiquement, n'existe pratiquement plus. Et là, nous voyons un effort concerté, puisque, comment dirais-je, nous sommes dimanche, Joe Biden a finalement été proclamé par les médias uniquement président élu, et je lisais un titre de Ouest France, enfin qui fait écho à tout ce qu'on peut trouver dans la presse, Joe Biden élu président des États-Unis. Pas du tout. Pour être élu, Joe Biden doit attendre le 14 décembre. Jour où les grands électeurs se rassemblent pour désigner le nouveau président des États-Unis. Et à ce moment-là, il devient le président élu. Et il entre en fonction en janvier, après avoir prêté serment. Donc, quand vous voyez les lignes, les titres des journaux qui disent « Biden élu », ce n'est pas vrai au stade où je parle. D'accord ? Ce n'est pas vrai. Surtout que les comptages ne sont pas terminés. Exactement, les comptages ne sont pas terminés et la bataille légale ne fait que commencer. Donc, nous avons là des gens, et c'est trop coordonné à l'échelle internationale pour que ce soit le fruit du hasard, puisqu'on voit les médias internationaux, en tout cas en Occident, se mobiliser comme un seul homme pour nous dire que l'affaire est entendue. On voit les dirigeants des gouvernements pour se précipiter pour nous dire que l'affaire est entendue. On voit que Trump est censuré sur Twitter. Il ne peut même pas s'exprimer vis-à-vis de sa base. On l'accuse de tout. Mais ça, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc, pour essayer de l'empêcher de dire ce qui est en train de se passer. Enfin voilà, on est en train d'invisibiliser Trump, d'invisibiliser ses 71 millions d'électeurs quand même. Comme nous avons, nous, été invisibilisés à notre petit niveau ces dernières années. Il y a là une cohérence. Hein. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur les endroits clés de la fraude, puisque comme je le dis, dans les médias, il n'en est même pas question. Il n'en est même pas question. Les médias, sciemment, taisent les questions de fraude. Non seulement il n'y a pas d'investigation sur ce qui s'est passé, mais en plus, il n'en parle tout simplement pas. Ça n'existe, ça n'a pas de réalité. D'accord ? C'est même pas qu'il le nie, c'est qu'on n'en parle pas. C'est le mur du silence. C'est l'omerta. Alors, les États intéressés, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Premier signe de, comment dirais-je, de problématique, qui a été d'ailleurs retweeté par Eric Trump, le fils de Trump. Dans l'état de la Pennsylvanie, le problème est venu donc de cette histoire de vote par correspondance, dont on a vu la motivation originale avec l'histoire du Covid. Alors, tant qu'il y a eu un afflux de votes par correspondance, Et donc, très vite, vous savez, avec lors de la nuit électorale, on a vu, ah tiens, les votes ont été suspendus, hein, ils ont carrément suspendu les votes, hein, pendant une nuit entière, ensuite on reprend, et puis truc. Trump avait de l'avance dans l'état de la Pennsylvanie, où on pensait qu'il allait l'emporter, et puis soudainement, la chose s'inverse. Et là, les républicains font état du fait qu'on ne les laisse pas rentrer, non seulement dans l'état de Pennsylvanie, mais dans d'autres états, hein, cruciaux comme celui de la Pennsylvanie. On dit, voilà, vous ne pouvez pas rentrer dans les salles de décompte, les observateurs républicains. En France, les gens comprennent ça très bien, je veux dire, quand on dépouille, lors du dépouillement, il y a des assesseurs, et tout le monde peut regarder comment le dépouillement a lieu pour que tout le monde soit d'accord sur le résultat. Bien. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit aux observateurs qui étaient envoyés par le Parti républicain, vous n'entrez pas dans les salles de dépouillement. Et on les a physiquement empêchés de rentrer. Il y avait même des endroits, de nombreux endroits, où il y avait des hommes en armes, des vigiles, qui empêchaient les observateurs de rentrer. D'accord ? Il y a des vidéos qui circulent sur Twitter, qui sont des vidéos authentiques, où l'on voit depuis l'intérieur, hein, des bureaux de dépouillement, des démocrates qui mettent sur les fenêtres des plaques de polystyrène pour empêcher qu'on regarde depuis l'extérieur ce qui se passe dans les bureaux de dépouillement, à l'intérieur des bureaux de dépouillement. Donc il y a là des zones grises qui ont totalement échappé à tout contrôle. À tout contrôle. Sur ce, les républicains, dans l'État de Pennsylvanie, disent, écoutez, on fait un recours auprès de la Cour suprême pour dire, on a un problème. Il y a des votes, donc il y a des dépouillements de votes par correspondance qui arrivent. On ne peut pas voir ce qui se passe puisqu'on ne nous laisse pas rentrer dans les centres de dépouillement. Et donc on peut pas savoir si tout se passe bien. Suspendez le dépouillement et ordonnez que l'on distingue ces bulletins des autres, donc les bulletins de les autres bulletins, quoi. Distinguer les deux. Donc il faut les mettre à part. Il ne faut pas les mélanger. Les républicains demandent ça à la Cour suprême. La Cour suprême dit d'accord. Ils reconnaissent qu'effectivement il faut les distinguer en cas de vérification. Le gouverneur démocrate, Tom Wolf, de l'État de Pennsylvanie, dit à la Cour suprême, qui est l'autorité plus importante au plan légal aux États-Unis, dit à la Cour suprême, allez-vous faire enculer. Allez-vous faire enculer. Et hors de question qu'on distingue les bulletins qui ont été reçus par correspondance pour qu'on les vérifie. Allez-vous faire enculer. Ça concerne quand même 800 000 bulletins. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Donc on dit à ces gens, allez-vous faire enculer. Non, non, non, non, non. Donc, et en fait, pendant toute cette obstruction qui a eu lieu de la part de Wolf, qu'est-ce qu'ils ont fait les types ? Ils ont allègrement mélangé tous les bulletins pour qu'on puisse pas savoir qui a voté par correspondance, qui a voté en personne, etc. C'est ahurissant, mais ça s'est passé. La Cour suprême a dit, à nouveau sollicité par les républicains, en disant « ils refusent d'obéir à votre injonction », ils renvoient un deuxième avertissement en disant « vous devez les distinguer, c'est une obligation ». Réaction à nouveau des démocrates qui contrôlent donc l'État en question, donc le gouverneur, « allez vous faire enculer ». Donc là, si vous voulez, c'est la preuve qu'il y a eu fraude. Parce que si les démocrates avaient gagné l'État, ils s'en foutraient qu'on recompte les bulletins. Et ils s'en foutraient qu'on leur demande de dire « distinguer les bulletins par correspondance des autres pour qu'on vérifie. Il n'en aura rien à foutre. Il dirait, mais certainement, si ça peut aider notre candidat à gagner avec toute l'assurance du respect des règles, il n'y a aucun problème. Mais pour qu'il y ait une obstruction aussi totale, aussi frontale d'un gouvernement en fonction à la Cour suprême, à une décision de la Cour suprême, vous comprenez bien que les types sont en train d'essayer d'enterrer un cadavre. Donc voilà, ça commence dans cette ambiance-là. Qui c'est qui en parle ? Dans les médias, j'entends. Dans les grands médias, ça n'existe pas. C'est enterré, ça n'existe pas. Et attention, il y a des recours qui sont en cause. Et comme la Cour suprême s'est fait littéralement défier, on ne va pas en rester là, notamment en Pennsylvanie. Ça, il va se passer des choses en Pennsylvanie, médiatiquement, que ce soit en France, en Europe en général, ça n'existe pas, tout ça n'est complètement... Non, je voulais simplement dire qu'il existe une censure également concernant cette fraude-là, bien qu'il y ait des gens quand même très connus qui s'agitent. Alors, il y a le général Flynn, donc général qui a été responsable du renseignement militaire, qui est favorable à Donald Trump. Il y a aussi Rudolph Giuliani, l'ancien maire de New York, notamment au moment des attentats du 11 septembre. Il y a 15-20 ans, c'était le maire de New York, qui a eu d'excellents résultats en matière de sécurité, qui est avocat de Trump, etc., qui a fait une intervention à Philadelphie pour parler de toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez d'ailleurs, c'est traduit en français par un certain fils de pangolin, là, c'est le pseudonyme évidemment sur YouTube, mais pour avoir une idée des tenants et aboutissants de cette fraude. Alors, c'est intéressant que tu parles de Philadelphie et de Giuliani. Donc, tu parles de la conférence de presse qu'il a tenue samedi à Philadelphie, qui est au cœur donc de cette histoire de fraude. C'est l'élection la plus frauduleuse de l'histoire américaine. Ça, il faut que nos auditeurs comprennent ça. C'est sans précédent, et même dans le monde occidental. D'accord, c'est l'élection la plus frauduleuse. Même devant celle de Kennedy. Hein. Parce que Kennedy, qu'on nous présente comme... comme Dieu, hein, à chaque fois, il a été élu par un bourrage d'urne de la mafia. Mmh, on est sur un truc qui est d'un tout autre niveau. Ah bah oui, on a là, je pense qu'on est, au niveau à peu près d'un pays africain. Hein. Oui, oui. Je pense au Zimbabwe sur 20, à peu près. Hein. Oui, oui. Alors moi, avec Joe Biden, les États-Unis, c'est Bouteflika, hein, c'est au niveau de l'Algérie. Quoi. Oui, oui, c'est ça, oui, vraiment. Ah, vraiment, hein, moi j'y crois totalement. Alors ça se passe à Philadelphie, c'est très important à comprendre ça. Que ça se passe à Philadelphie, Giuliani fait donc sa conférence de presse à Philadelphie, dans laquelle évidemment il se bat comme un beau diable pour Trump, maire de New York. Trump est originaire de New York aussi. Giuliani, comme tu as dit, c'est un mec qui a fait tomber les Gambino et compagnie. Donc c'est quand même c'est un dur. Giuliani est un dur. C'est, ok. Quand on le voit comme ça et tout, c'est vrai qu'il paye pas nécessairement de mine. Hein. C'est un vrai méchant. Philadelphie, c'est l'endroit historiquement où a été lu pour la première fois au public la constitution rédigée par les pères fondateurs en 1776. Donc, il y a là une dimension plus que symbolique, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui se passe clairement, c'est la fin des États-Unis ou pas. Et le fait que le nœud du problème s'installe à Philadelphie, n'est pas dû au hasard d'une certaine façon. Je dis pas que c'est voulu. Je dis simplement que, vous savez, l'histoire a toujours un sens d'une certaine façon et une symbolique. Et ça se passe là, c'est pas du tout surprenant. Parce que ça devient le cœur de la bataille électorale. Alors, merci Alexis d'avoir précisé le rôle de Giuliani, sa conférence de presse, dans laquelle justement il dit « Attention, rien n'est terminé, et ça fait que commencer ». Il y a aussi un truc que personne n'a relevé, et ça c'est extrêmement troublant, c'est 2 semaines avant le jour de l'élection à proprement parler, hein, 3 novembre, des recherches Google ont eu lieu. Vous allez me dire, ouais alors, oui mais sur un certain nombre de mots-clés qui sont pas anodins, c'est en l'occurrence la phrase « Qu'est-ce qu'on risque en cas de fraude électorale ?» En anglais, bien sûr. Et dans certains, et dans les fameux états-clés. Et ben c'est ça, c'est-à-dire que quand tu mettais les mots-clés que j'ai cités, « Qu'est-ce qu'on risque en cas de fraude électorale ?» ressortaient des recherches opérées depuis 4 états américains, tous les états concernés. Arizona, Michigan, Wisconsin, je vous en passe, quoi. Donc, en fait, il y avait des mecs, ils étaient en train de tricher, ils étaient en train de préparer la triche, et il y a juste quelques mecs qui se sont dit, merde, qu'est-ce que je risque en faisant ces conneries-là? Juste par curiosité, les mecs se sont dit, merde, qu'est-ce que je risque quand même en faisant ça? Tu vois, voilà, ils ont eu des résultats, peu importe. Et c'est dans Google Trends. C'est dans Google Trends. C'est ressorti et il y a eu des screenshots et tout. Et là, tu dis, putain, il y a un problème. Non, c'est pas an incredible meeting of minds. c'est pas une incroyable rencontre des esprits. Pour expliquer quand même aux auditeurs, c'est-à-dire que c'est sur le mois d'octobre, ces recherches-là. Et il y a vraiment trois pics qui correspondent donc à des recherches qui sont faites de manière spontanée dans ces quatre états. Et le reste, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est recherché communément. Il y a zéro recherche habituellement. Et tout d'un coup, ouais. Hop. Les quatre états concernés, il y a des gens qui se sont mis à chercher ça. Ça pop, exactement. En octobre. Mais 6 millions de voix. Eh bien, si Trump réussit à remporter cette victoire, j'espère qu'ils avaient un bon VPN. J'espère. Ça suffira pas, même. Non, mais là, il faut... Bon, on va anticiper ensuite la suite. Mais bon, voilà, on est dans cet environnement-là. Hein. Alors, sur la fraude, alors bon, allons-y franchement. Les différents niveaux de fraude, on va aller dans les États aussi. Là. Alors, la fraude, en fait, dont les médias ne parlent pas, à mon grand regret, mais on sait pourquoi, parce que ça fait quand même 4 ans qu'ils font campagne contre Trump, donc bon... Oh, 5 ans, hein, 5 ans. Oui, 5 ans. Avant son élection. C'est juste. Donc, y a différents niveaux d'organisation de la fraude, et tous sont nécessaires. Tous sont nécessaires. Alors, sur le site Démocratie Participative, on a diffusé des vidéos de triche, hein, mais bon, évidemment, certains de nos auditeurs n'ont pas eu besoin de Démocratie Participative pour les voir. S'ils suivent les bons comptes Twitter, ils vont les trouver. S'ils vont sur 4chan, ils vont les trouver. S'ils vont sur les bons forums aussi américains, ils vont les trouver. Donc, c'est sûr qu'on ne prétend pas les avoir. Mais on les a diffusées, on a diffusé certaines d'entre elles. Alors, premier niveau de fraude, faire voter les morts. Un grand classique. Là, les Américains n'innovent pas du tout. C'est quelque chose qu'on connaît en France, surtout au niveau des élections locales. Peut-être en Corse, d'ailleurs. Hein, mais c'est une spécialité, quoi. Bon, voilà. Alors, on fait voter les morts. Il n'y a rien de plus simple, parce que ça peut être fait au niveau local, tout simplement. Voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que certains peuvent se poser la question, ouais, d'accord, et qu'est-ce que ça change au niveau local? Eh bien, si vous êtes le maire démocrate d'une ville... Vous contrôlez le registre d'état civil de cette ville, et donc personne va aller regarder au-dessus de votre épaule si vous avez décidé de faire voter des Maccabées, bien sûr. Et c'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai en France. Jean Tiberi approuve. Jean Tiberi approuve. Jean Tiberi qui était d'ailleurs d'origine corse. Et pour l'anecdote, j'ai rien contre les Corses. Si vous êtes un maire démocrate et que vous embauchez des nègres, il peut se passer des trucs rigolos. Voilà, alors, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé un article de presse de AP News qui relate qu'un monsieur, un jour, a reçu un bulletin de vote pour voter par correspondance adressé à son chat. Son chat, à son chat qui était mort depuis 12 ans. Son chat qui était mort depuis 12 ans. Interrogé par le journaliste de AP News. AP News, c'est la société de presse. Voter, il a répondu que son chat était un démocrate. Lol. Alors, c'est un vrai article de presse. Hein, je l'ai sous les yeux au moment où je consulte. C'est la société de presse. Hein. Oui, oui. AP News. Donc, vous chercherez. This is cat gets voter registration application in mail. Voilà. Donc, on envoie. Même à votre chat mort peut voter. Voilà. Oui. On est dans la grande nécromancie. Hein, vraiment bien. Le pire, c'est qu'il y a des gens connus qui ont voté. Par exemple, un champion de boxe, Joe Frazier, qui est mort en 2011, a voté aux élections de 2018. Ça aussi, c'est le... C'est le tweet de Giuliani, hein, c'est quelqu'un de sérieux, hein, c'est l'ancien maire de New York, le maire, disent les Anglais, disent les Américains, the major, etc., spécialiste du droit, c'est pas n'importe qui. Et ou alors des membres de gens de la famille de gens connus, par exemple, Giuliani dit aussi dans son tweet, le grand-père de Will Smith est mort en 2016, mais il a voté à Philadelphie en 2017 et en 2018 aux élections diverses. Voilà. Mais est-ce que Abraham Lincoln a voté Biden? Voilà. Alors, il y a des photos qui ont été prises à l'intérieur des bureaux de vote, et les mecs se sont fait virer d'ailleurs. Il y en a une où on voit en fait comment ils entrent manuellement. Alors, donc, ça c'est pour faire voter les morts. Hein. Alors, il n'y a que des nègres. Alors, Détroit a battu tous les records. On se demande pourquoi. Hein. Alors, renseignez-vous si vous avez jamais vu Détroit. Il y a des documentaires sur Détroit. C'est effrayant. Comment une ville ouvrière blanche, qui était le cœur industriel de l'Amérique en 1945, et c'était quasiment la machine de. C'était la machine industrielle de l'Amérique en guerre. Hein. Donc, ça l'automobile, pas. Hein. De l'automobile, bon, ils ont fabriqué tous les véhicules militaires de l'armée. Enfin, c'était incroyable hein, comme centre de production. Ça ne me remplit pas de joie, si vous voulez, quelque part, vous voyez, on pêche par là, on est puni par là où on a pêché. Donc l'Amérique, finalement, elle est punie aussi par là où elle a pêché. L'Amérique blanche, j'entends, en s'en prenant injustement à l'Allemagne nationale-socialiste d'Adolf Hitler. Mais complètement remplacé de nègres, nous avons donc des photos à l'intérieur des bureaux de vote à Détroit, où ils ont fait voter les morts à gogo. Alors les nègres, vous savez, ils sont pas très malins. Bon, vous allez me dire, oui, c'est un... bon. Mais il y a des photos où on les voit. Alors les nègres, bon, les noms sont différents des mecs qui rentrent dans la base de données. Et le nègre, il n'a pas la présence d'esprit de changer la date de naissance. Donc le négro, il rentre, le type, il est né le 1er janvier 1900. Andrew Mac, ce que vous voulez. Et puis ensuite, il y a Michael, 1er janvier 1900. T'en as comme non, ça. Tu as des gens du 19e siècle. Qui sont oui, non mais d'accord. Mais je veux dire, t'as des listes de mecs à se suivre. C'est... 1er janvier 1900, 1er janvier 1900, 1er janvier 1900, 1er janvier 1900, comme ça, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de mecs, ils sont tous nés le même jour en 1900 et ils votent, ok? Donc les nègres sont cons comme leurs pieds, alors évidemment ils sont pilotés par le Parti démocrate, on leur dit les gars faites voter les morts, hein. ouais, ok, d'accord. Mais les types, ils ont même pas eu la présence d'esprit, si tu veux, parce que c'est des nègres, hein, de changer juste les dates données, donc c'est incroyable, mais c'est vrai, et il y a des photos, des mecs qui prennent des photos comme ça dans le bureau de vote. Et dit, regardez ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors évidemment, c'est balancé sur Twitter et tout, alors personne n'en parle. Ça, c'était à Détroit. Alors à Détroit, ils en ont fait voter comme ça des Maccabées, mais à gogo. Alors toi, tu me dis ensuite, là, Derek, que ils se sont pas limités au XXe siècle. Ils ont été un peu plus loin. Hein. C'est quoi le plus vieux? Qu'est-ce que vous avez vu Joe Biden. Moi, j'ai vu Laura Butler, 220 ans, née en 1800. C'est sur le comité Trump France. Je recommande leur Twitter, comité Trump France. Connor MacLeod, 1714. Donc, non, mais quand même, 220 ans et quand même faire son devoir électoral, je pense que c'est quand même chapeau, quoi. C'est-à-dire, les hamburgers, ça conserve. Voilà, avec 14 ans quand Napoléon a abdiqué, bon, écoute. Et justement, elle connaît le fascisme, elle sait où ça a mené. Enfin bon, voilà dans quel univers on se trouve. Alors donc, il y a des vidéos qui tournent. Il y a une vidéo, elle est extraordinaire. Vous savez, c'est comme les nègres quand ils vont chourer un truc. Tu sais, ils vont chourer, tu sais, quand ils vont dans une station de service ou un truc. Mais tu sais, le nègre, pour une raison bizarre, au moment où il va prendre la caisse, il s'arrête et il regarde la caméra de vidéosurveillance droit dans les yeux, tu sais, je tiens, tu sais, le nègre, il a besoin qu'on le voit de face, tu vois. Et tu dis, putain, merde, il a vu la caméra, il a capté qu'il est filmé, il va s'arrêter. Là, le nègre, il regarde la caméra, mais pendant 3 secondes fixe, quoi. Ils volent quand même. Putain, mais le nègre, c'est nègre, ils sont extraordinaires. Alors, et ça se passe comme ça. Et on a des vidéos, on a une vidéo comme ça où t'as un nègre, il est en train de modifier les bulletins, comme on lui a dit et tout. Il se retourne comme ça, regarde la caméra, il capte, ah merde, je suis filmé. Et il se retourne, il continue à faire ces deux putains. Les Sénègres, ils sont extraordinaires. Alors bon, ça c'est faire voter les morts, ok. Alors ensuite, il a envoyé plusieurs bulletins à la même adresse. Alors ça, vous avez dit, surtout Poro, t'as dit, ouais, il y a des mecs, ils ont des chats qui reçoivent des bulletins. Il y a même Laurence Haim. Alors là, journaliste juive, hein, bon, elle a eu l'honnêteté, je reconnais, je sais pas si elle essaie de corriger le tir ou quoi, mais elle a eu l'honnêteté de dire que, je pense que même elle, elle est scandalisée par la violence de la triche. C'est drôle, hein, mais elle serait dit, bon, allez, ouais, bon, ça triche un peu, un tout petit peu, bon, d'accord, ok, vous trichez un peu, ok. Mais ça a été tellement violent qu'elle s'est dit, je peux pas garder ça pour moi, j'arriverai pas, c'est trop, quoi. Elle a reçu, elle est aux États-Unis actuellement, elle a reçu deux bulletins de vote, c'est-à-dire le sien, et celui du mec qui habitait avant, là où elle se trouve. Elle dit, ouais, j'ai quand même un problème avec ça. Elle a pris en photo son bulletin de vote. Elle a dit, merde, j'ai reçu deux bulletins de vote. Et bon, voilà, Laurence Haim, qui était ultra anti-Trump en 2007, mais vraiment fanatiquement hostile à Trump. Ah, c'est une fidèle du Parti démocrate. Hein. Ouais, voilà. Une ancienne journaliste française avec des trois parenthèses, hein, qui avait chialé en direct à la télévision quand George W. Bush avait été élu. Ouais, donc on peut pas du tout la soupçonner. Je pense que même pour elle, en fait, dans une certaine mesure, c'est une démocrate, c'est une femme de gauche, elle est juive et tout, elle croit vraiment à tout, mais elle se dit, là, quand même, ça atteint des proportions tellement énormes qu'en fait, ça risque de nous retomber sur la gueule. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à calculer, elle s'est dit est-ce qu'on peut vraiment passer sous les radars à ce niveau-là de triche, je sais pas, quoi. Et là, elle s'est dit, bon, je dis ce que je vois, quoi. Voilà. Je pense qu'elle a senti l'arnaque. Assez fine, finalement, dans son truc. Mais bon, elle l'a quand même dit. Donc ça, c'est une autre méthode de triche. Donc on fait voter les morts et on envoie des bulletins. Il y a des cas où... parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, ça, c'est culturel, hein. Donc les Français ont peut-être du mal à comprendre ça. Aux États-Unis, on déménage très souvent. Il y a une très grande mobilité de la population aux États-Unis. Ça c'est des choses que les Français ne comprennent pas trop. Les Français déménagent en moyenne deux fois, trois fois dans leur vie, peut-être quatre fois. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent, et pas uniquement d'une ville à l'autre. On change d'État. Alors aux États-Unis, quand on change d'État, il faut comprendre qu'on fait parfois des milliers de kilomètres. Hein. C'est très fréquent, en fait, d'avoir une nouvelle adresse. Donc, je ne vais pas dire non plus que c'est forcément l'objet d'une conspiration. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens qui organisent la triche à ce niveau-là. Mais il y a aussi un système qui est tellement mal baisé qu'il y a des bulletins qui partent dans tous les sens et qu'en fait, personne ne veut corriger le truc parce que ça intéresse bien tout le monde, en fait. Et donc voilà, et je pense que les démocrates ont considérablement accentué ce truc-là pour envoyer des bulletins à tout le monde. Allez-y les gars, votez, faites-vous plaisir, il n'y aura pas de contre-vérification, ce que demande précisément Donald Trump, quoi. Alors maintenant vient un autre truc, les électeurs fantômes. Donc des gens qui sont inscrits sur les listes, alors soit qui sont morts, soit qui sont vivants, soit qui ont déménagé, soit que... Mais on a un ordre de grandeur. Il y a une association qui s'appelle Judicial Watch. Donc c'est une organisation qui est spécialisée justement, ils ont beaucoup ça aux États-Unis, on devrait faire ça beaucoup plus souvent en France. Un peu des associations comme Anticorps en France, vous savez, des associations qui veillent à ce que la loi soit respectée par les politiciens. Alors ces gens-là, ils ont déployé d'énormes moyens pour essayer d'étudier les listes électorales, mais pas maintenant, hein, je veux dire depuis des années, pour voir de quoi parle-t-on. Quand on parle de corps électoral américain, on parle de qui, de quoi, qui existe vraiment, qui n'existe pas. Et voici ce qu'ils nous disent. Donc, ils ont annoncé une étude, ils ont publié une étude en 2020 qui a révélé que dans 353 comtés américains, il y en a plus de 3000 aux États-Unis, il y avait 1,8 million d'électeurs inscrits de plus que de citoyens en âge de voter. Donc il y a 1,8 million de mecs sur 10% des circonscriptions concernées qui peuvent voter aux États-Unis. En d'autres termes, le taux d'inscription dans ces comtés dépassait les 100%. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un chiffre. Il y a une autre organisation, ça c'est le Project Veritas, toujours même type d'association, de vérification, qui a sorti une bombe nucléaire, puisqu'ils ont obtenu des témoignages de fonctionnaires de la Poste. Alors, j'ai bien aimé quand tu as dit Derek, quand tu as précisé qu'en 1975, quand en France on a interdit le vote par correspondance, des gens à droite, notamment le gouvernement de Giscard d'Estaing, avaient dû comprendre que la Poste étant quand même très à gauche, il fallait peut-être pas laisser des bulletins de vote entre les mains de ces gens-là. Eh bien, aux États-Unis, ils n'ont pas compris, à leur grand tort, parce que la Poste, c'est un truc public aux États-Unis. Ça sert de variable d'ajustement pour recruter des nègres, des métèques, en tout genre par le Parti démocrate, d'accord ? Et ces mecs-là ont reçu des consignes très claires pour antidater les votes. Donc nous avons des gens qui ont voté après les dates butoirs et qui ont vu leur vote validé. Et il y a eu des témoignages. Ça continue. Ils continuent de recevoir des témoignages, notamment dans l'État du Michigan, où des fonctionnaires témoignent du fait que dans les bureaux de poste, leurs dirigeants leur disent « Les gars, vous antidatez, vous antidatez, vous antidatez. » Donc, vous savez, le cachet de la poste faisant foi, bah, les mecs, ils modifient la date et bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Ça se passe en ce moment. Ça court encore au moment où je parle. Ça court encore au moment où je parle. C'est pour ça que Trump a dit « Stop counting !» Il a dit « Arrêtez de compter !» Les votes qui arrivent là, ils sont antidatés. Les mecs sont en train de les envoyer, ils sont antidatés. Stop counting. C'est pour ça qu'il a dit ça sur son compte Twitter. Ça ne veut pas dire arrêtez de compter, s'il vous plaît. Le vote me déplaît. Ça veut dire la date est dépassée. Arrêtez de compter. C'est un viol flagrant de la loi. D'accord. Le slogan actuel des démocrates, c'est tous les votes comptent. Voilà. Donc le tweet de Trump est une réponse à ça. Parce que eux, ils veulent encore accentuer ça. Ça se trouve, il y a encore des gens là qui sont comptabilisés comme vote correct, alors que c'est dépassé dans la plupart des États. Peut-être pas en Caroline du Nord, parce qu'ils ont une permission un peu plus large, mais sinon, dans le reste des États, c'est fini. Hein. Je rappelle aussi que le Parti démocrate a pour slogan « La vie des Noirs compte ». Ce qui, pour ma part, est sujet à débat. Je pense que c'est sujet à débat. Je pense qu'il faut pouvoir en débattre. Donc voilà, donc on antidate les votes par correspondance. Donc Covid, vote par correspondance, fait peur à tout le monde, votez, etc. Vous avez bien compris. Alors, on a diffusé aussi des vidéos. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Moi, je vous livre les informations, je livre à nos auditeurs les informations comme ça à la chaîne, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour dire si vous avez quelque chose, si vous avez envie de préciser quoi que ce soit. En plus de tout ce qu'on a dit, autre domaine dans lequel... Et là, ça devient vraiment... C'est là qu'on voit qui est derrière. L'intervention dans les systèmes de comptage des votes, le système de dépouillement. OK ? Alors, qui c'est qui a balancé le morceau ? C'est l'avocate dont tu as parlé d'ailleurs, Alexis. C'est Sidney Powell, avocate de Michael Flynn. Beaucoup de nos auditeurs vont dire « C'est qui Michael Flynn ?» Michael Flynn, c'est un général de l'armée américaine qui était le chef du renseignement militaire des États-Unis, quand même, sous Obama. Donc sous une administration démocrate. Hein. Elle est intervenue à côté de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Tom Fitton, qui s'occupe d'une association justement de vérification justement de Judicial Watch. C'est une association qui fait un boulot extraordinaire de vérification justement du corps électoral, etc., et tout ce qui est fraude et tout. Ils font un boulot extraordinaire, Judicial Watch. Je veux dire, c'est une association extraordinaire. Et Tom Fitton est un super mec. Ils intervenaient sur Fox News. Fox News, je ne vais pas parler de la chaîne, de son traitement, parce que là aussi, il y a de quoi dire. Mais il y a un journaliste, en fait, qui est à la manœuvre, enfin, qui était jusqu'à récemment à la manœuvre, c'est Lou Dobbs, que j'aime beaucoup aussi. Un Américain à l'ancienne, comme on aime bien, presque un mec qui sort des années 50, et qui leur donne la parole et qui dit « Ok, voilà ce qui se passe au moment où on parle. en plus de toute cette triche dont on a parlé, qui est une triche encore très artisanale. Là, on atteint des niveaux sans précédent. Donc, Sidney Powell, l'avocate, dit ceci. Donc, les types ont utilisé, les mecs de la CIA ont utilisé un super calculateur, un super ordinateur, qui a une puissance de calcul phénoménale, qui s'appelle Hammer, marteau. C'est entre leurs mains, ok. Et qui, donc ce super calculateur analyse toutes les données en temps réel. Et qui a utilisé un exploit, donc une espèce de porte dérobée dans le logiciel, qui s'appelle Scorecard, et qui permet d'entrer dans les logiciels de dépouillement qu'utilisent les bureaux de vote. Et grâce à ça, ils ont pu voir en temps réel, dans les états stratégiques, dans la nuit fameuse où il y avait des délais, où on se mettait à trouver des bulletins qui arrivaient tardivement, et où on, finalement on disait « Ah ouais, non mais les mecs là, ils ont pris une pause pendant toutes ces, pendant 6 heures et ils reprennent après. » Ils ont analysé en temps réel les données dans tous les comtés, dans les états concernés, pour voir comment modifier les résultats, en disant « Voilà, là il nous faut 3000 votes de plus, là il nous faut 4000 votes de plus, etc. etc. » pour obtenir le résultat voulu. C'est l'avocate de Michael Flynn qui a dit ça en live sur Fox News. Elle a dit « On a des sources très solides là-dessus. » Cette avocate est une ancienne juge fédérale. Donc c'est pas un gogol sur Internet qui a dit « Ouais, je sais pourquoi. » Ok. Ancien juge fédéral, avocate de Michael Flynn, l'ancien dirigeant du renseignement militaire américain, ces gens-là ont des informations. Qu'est-ce qu'elle a c'est dit pas, c'est pas Collard, c'est pas Dupont-Moretti. Non, on est sur autre chose. C'est quand même, voilà, c'est ce qui fait aussi la grandeur de l'Amérique, parce que si l'Amérique, elle a la puissance qu'elle a, c'est avec des gens comme ça, c'est-à-dire c'est des gens extrêmement compétents. Ces types-là, quand ils sortent comme ça et qu'ils disent des choses comme ça, ils sont pas juste là pour amuser la galerie. Elle a dit... On a besoin, c'est ce qu'elle a demandé sur Fox News, hein, devant des millions de mecs. Elle a dit, on a besoin de spécialistes de l'armée, parce qu'il n'y a que des spécialistes de l'armée qui connaissent ces logiciels. On a besoin de ces mecs-là, qui sont prêts à le faire, hein, pour vérifier le degré d'infiltration du système. Donc, le fait qu'elle demande même l'intervention de spécialistes de l'armée, ça démontre que c'est pas le premier pelé qui rentre dans ce système-là, ok, d'accord, c'est impossible, vous êtes obligé d'être dans le système. Et c'est ce qu'elle a dit, et ça a tourné dans toute l'Amérique, ce truc, ok, les Américains, enfin, les Américains, surtout ceux qui, les 70 millions d'Américains qui ont voté Trump, ont reçu ces informations, ok, ils ont compris, l'élection est volée, c'est en temps réel, on le sait. Ça, ils n'ont pas pu le cacher. Et en fait, ils sont très... Si vous regardez un petit peu les courbes de l'évolution des dépouillements, quand vous voyez Joe Biden faire une verticale, bah, ça vient de là. Il y a eu même des trucs sur CNN, des mises à jour en temps réel, où en fait, les trucs étaient en différé, vous savez, les bandeaux en bas, et puis les annonces qui font plein écran, vous voyez. Et le problème, il y avait des erreurs de décalage. Donc en fait, ils faisaient des mises à jour... Mais ils allaient trop vite sur le bandeau et pas en temps réel. Donc le mec, il avait trop de voix d'avance sur le bandeau et pas assez en haut. C'était ridicule, mais je veux dire, c'est hallucinant. Donc, ils sont tous dans la magouille, hein, évidemment. Non, mais totalement. Alors du coup, il y a eu des bugs qui ont été vérifiés en direct et qui ont été cités par Fox News. Alors je vous cite cet exemple avec... Il y a des vidéos qui tournent, hein, c'est des témoignages en direct. Je vous cite, un employé du comté du Michigan a eu un problème avec un logiciel de tabulation, c'est-à-dire d'agrégation, si vous voulez, des résultats. Il a alors compté les votes à la main, donc il a vérifié artisanalement le truc, et a découvert que ce problème avait causé, donc les soi-disant problèmes d'informatique, avait causé l'envoi de 6000 votes à Biden et aux démocrates qui étaient destinés originellement à Trump et aux républicains. Du coup, 47 comtés du Michigan ont utilisé ce logiciel, la demande est formulée par les républicains de vérifier manuellement tous les comptes dans cet état. 47 comtés. Ok ? C'est pas une erreur de calcul de la part du logiciel. C'est impossible. Un logiciel ne se trompe pas une fois et dans tous les autres comtés, il a bon. Okay, ça ne marche pas comme ça, l'informatique. Donc voilà. Donc ça, c'est le supercalculateur Hammer et l'exploit Scorecard. Mais il y a autre chose. Il y a encore autre chose. Les machines à voter elles-mêmes. D'abord. Les logiciels de centralisation et de transfert des résultats à l'état central. Donc, il y a une intervention de la CIA, visiblement, hein, avec directement dans la manipulation des résultats. Mais attention, il y a aussi les logiciels de centralisation des résultats, où les gens entrent les données et ensuite les transfèrent au gouvernement central. Là, ça devient encore plus glauque. Le système qui est utilisé dans bon nombre d'États s'appelle Leader Plus System. Le logiciel a été conçu par l'entreprise Avid, dont un des plus gros actionnaires est Richard Blum. Vous allez me dire, c'est qui ? C'est un banquier juif marié à la juive Diane Feinstein, une riche députée de la gauche démocrate californienne qui a siégé aux côtés de Kamala Harris, l'actuelle candidate à la vice-présidence des États-Unis. C'est son ancien bras droit. D'accord ? Donc le logiciel utilisé pour agréger tous ces résultats, les envoyer, ils étaient aussi contrôlés par nos amis du Parti démocrate, par leurs actionnaires, par Diane Feinstein, qui est une juive, okay, et qui est mariée à un banquier juif de Californie. Alors maintenant, parlons des machines à voter en elles-mêmes. Donc là, c'est la boîte, quand vous arrivez dans le bureau de vote... Non, vous allez... Déjà, sur le principe... Honnêtement, ouais. Il faut être taré hein, pour faire confiance à une machine à voter. Le principe d'une machine informatique, c'est que vous ne savez pas ce qui s'exécute ouais, dessus. Donc, il faut vraiment être très con, hein. Je le dis juste en passant. Si en c'est France, pas qu'ils sont très cons, c'est-à-dire que si tu veux t'en débarrasser, le problème, c'est que tous ces mecs-là, ils vont refuser. C'est-à-dire tous les démocrates, tout le système, tout l'État profond, tous ces mecs-là, ils vont dire non, hors de question, etc. Tu vas avoir des recours, etc. C'est un truc de fou. C'est pas comme non, ça, bon, c'est pas en claquant des doigts. Les Français, au cas où ils essaient de nous le faire chez nous, s'ils ont encore un petit peu de réflexe vital et 2-3 neurones qui fonctionnent, ne dites pas oui, quoi. Ouais. Non, il faut refuser les machines électroniques, c'est le secret pour... Ça, parce que ça donne une dimension systémique à l'escroquerie, quoi. Alors maintenant, venons-en aux machines de vote électronique. Donc, en plus du décompte des voix et du transfert des résultats, s'ajoutent les machines à proprement parler. L'entreprise Dominion Voting System fournit les machines à voter électroniques à 30 États américains, y compris ceux concernés par la fraude. Son logiciel a été conçu par Smartmatic, une entreprise britannique qui est dirigée par un certain Mark Mallock Brown. Mark Mallock Brown est spécialisé dans l'influence des résultats électoraux par vote électronique, notamment aux Philippines, où Smartmatic a été impliqué dans la manipulation du corps électoral en 2016. Mark Mallock Brown est aussi un proche associé de George Soros en tant que membre de sa fondation, l'Open Society. Plus de la moitié des machines à voter aux États-Unis ont un logiciel qui a été pensé par la boîte d'un des bras droits de George Soros qui est impliqué, et c'est répertorié par la presse philippine, dans la manipulation du corps électoral lors de la présidentielle aux Philippines. Où Duterte a gagné. Je veux dire, écoutez... Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Moi, j'ai envie de dire, tout va bien, restez chez vous, il n'y a pas de problème. Qui en parle ? Mais personne n'en parle. En détail, personne. Hein. Juste, on interroge les votes par correspondance, mais c'est à peu près tout. Le reste ne filtre absolument pas dans les médias français. Bon, aucune surprise. Hein. Ça filtre un petit peu sur Fox News, mais je pense que ça va pas trop durer, puisque... Mais une reprise en main en ce moment. Hein. Alexis l'a déjà dit, là, il y a l'ancienne juge qui était partisane de Trump, Judge Janine, qui s'est fait éjecter de Fox News, là, donc son émission n'est pas reconduite. Fox News qui a été racheté par Disney il y a 2 ans. Disney, c'est ça vous fait les Star Wars avec des nègres partout, des ouais. homosexuels. Et des gonzesses. Ce qui marche très très bien d'ailleurs, c'était un grand résultat. Ouais. Non, mais enfin, bon, Disney, tous les trucs où on veut nous foutre dans les dessins animés pour enfants, des trucs d'homosexuels, etc. Donc, hein, c'est le même groupe. Hein, capitalistiquement, ça appartient à la même entité. Oui, dirigé par un juif. Ah oui. Tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis permis un petit commentaire négatif sur le prochain James Bond, où James Bond sera incarné par une femme. Eh ben, mon commentaire a été censuré, j'ai pas pu le mettre. Oh, c'est bien dommage, ça. Toi, tu n'aimes pas les femmes noires? Enfin, dans le rôle de James Bond? Tu préférais Sean Connery? Non, je sais pas. Je sais pas, je vois pas être raciste. Bah, ça risque de coûter la peine de mort bientôt. Alexis. Peut-être bah, Michel oui. Obama. Michel Obama dans le rôle de James Bond. Certains disent oui. Que ce serait Michael Obama en réalité. Oui, oui. She's a dude, man. Trêve de plaisanterie. Bon, il y a un autre aspect de la fraude. Alors, ça mérite sans doute une réétude, mais alors, ça a été sorti par, notamment par le Canadien, le Québécois Alexis Cossette-Trudel, qui dirige Radio-Québec. Bon, qui s'appuie sur le travail de l'Américain Steve Pechanik, c'est pas facile à dire, mais bon, ça s'écrit, je crois, Pechzenik. Enfin, c'est ça, c'est de l'ordre de l'hypothèse. C'est une hypothèse. Hein. Tu vas le dire, ouais. T'as raison, mais c'est non, une c'est hypothèse. Plus que... Bon, c'est plus que oui, c'est plus qu'une hypothèse. Donc, il y a des éléments tangibles, mais bon, de toute façon, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'éléments qui prouvent la fraude, mais ça, ce serait un élément supplémentaire, mais avec des éléments qui iraient plutôt en faveur de Trump. Alors, je vais expliquer un peu plus. Donc, d'après le travail de notamment de Cossette Trudel. Donc il y aurait donc Trump a de toute façon tweeté, c'est sûr. Bon, évidemment c'est en anglais, mais enfin on peut traduire. Et il avait tweeté donc il y a 6 mois environ que l'élection à venir donc allait être beaucoup influencée par les votes donc par correspondance et que il avait dit des bulletins seront massivement imprimés dans des pays étrangers. Il avait dit ça et ce sera le plus grand scandale de tous les temps. Alors, ça peut paraître un peu curieux comme ça. Et d'après donc Pechanik et donc Cossette Trudel, donc il y aurait effectivement des démocrates qui auraient probablement via toute leur filiale internationale fait imprimer des bulletins, mais des bulletins authentiques, puisqu'on peut pas comme ça avec sa photocopieuse imprimer n'importe quel bulletin et mettre ça dans l'urne, enfin le bourrage d'urne. Normalement, si on veut le faire sérieusement, il faut mettre quelques précautions, quoi. Donc il y a des bulletins que l'on pourrait imité, disons, quoi, avec un certain filigrane. Mais les démocrates, donc, auraient fait ça, là encore, c'est du conditionnel, massivement, et ce serait un des aspects de la fraude, mais il y aurait le département de sécurité intérieure qui aurait anticipé tout à fait ça, Trump et d'autres, mais pour mettre en place un deuxième système d'authentification, donc permettant de distinguer des bulletins qui seraient authentiques et des bulletins qui ne le seraient pas. Donc une deuxième forme de filigrane, enfin qu'il a appelé je crois QFS, mais là encore on est là je peux pas dire en détail ce que c'est, hein, mais en tout cas ce qui est certain en tout cas c'est que Trump déjà dès 2012 avait tweeté, il n'était pas du tout président des États-Unis encore, mais il avait repris la phrase de Staline, il avait dit tout ce qui compte ce n'est pas comment dire les gens qui votent, c'est qui compte les votes. Donc, il savait déjà depuis longtemps ce qui se passerait si jamais il allait jusqu'au bout devenir président des États-Unis, etc. Et puis voilà, hein, ce n'est pas un imbécile. Les médias français voudraient le présenter comme un idiot. Trump a certainement des défauts comme tout le monde, mais je ne crois pas que ce soit un imbécile et que ce soit quelqu'un de mal informé. Hein. Il y a des gens autour de lui très compétents et il avait anticipé le coup. Oui, ça, c'est le portrait qu'on dresse de lui. À la fois en Amérique et en Europe et en France, comme quelqu'un d'idiot, de brutal, de borné, bref, la vision des élites qu'ont de l'homme blanc issu de la classe moyenne. Hein. C'est, en fait, le portrait qu'ils font de Trump, c'est le portrait qu'ils font de vous comme de moi. Hein. C'est une caricature, hein, c'est une diabolisation classique. Oui, oui, voilà, tout à fait, oui. Et quand vous faites ça d'un juif, ça se termine assez mal, d'ailleurs. Donc, c'est pas du tout surprenant, mais effectivement, on ne devient pas président des États-Unis par accident. Hein, non, ça n'existe pas. Donc, et comme on ne devient pas milliardaire par accident non plus, ça n'est pas possible non plus. Donc, ils aimeraient bien que Trump soit le dernier des cons, mais non, comme tu l'as bien dit, Trump a des défauts. On peut d'ailleurs, et même on doit, être en désaccord avec lui quand il fait des décisions qui sont totalement, enfin, qui sont pas inappropriées ou qui même sont stupides. Moi, je m'en prive pas. Mais lui faire un procès en, comment dirais-je, en idiotie, ce n'est pas comprendre du tout la personne. Bien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, son histoire d'impression de bulletin à l'étranger. Bon, de toute façon, c'est une opération qui nécessite de toute façon des dizaines de pays. Hein. Je veux dire, c'est bon, on a affaire à des réseaux extrêmement puissants et... Vas-y, Fubert. Si je peux me permettre, est-ce que, Alexis, as-tu parlé du deuxième piégeage, justement, pour l'authenticité des bulletins avec les puces issues de la nanotechnologie? Oui, bah, je ne suis pas en mesure d'en parler en détail, mais effectivement, il y a un deuxième système de vérification. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Oui, bien sûr. En fait, ce fameux filigrane qui était détectable via un système d'infrarouge avait été communiqué pour le contrôle, dans le sens du contrôle lors du dépouillement, le 5 août, c'est-à-dire 3 mois avant le dépouillement. Enfin, trois mois avant les élections. Et ce qui a permis aux démocrates de fabriquer, comme tu l'expliquais, des bulletins de vote en apparence authentique. Parce qu'ils ont su reproduire, il semblerait que ce soit à l'étranger, comme tu l'as dit, et que ce serait même au Mexique, mais ça c'est une hypothèse. Mais bon, ça avait été donc officiel, sans que ça fasse grand bruit, de façon à encourager en quelque sorte la partie démocrate pour frauder, sachant qu'ils pourraient donc mettre des bulletins de vote, des ballots, comme ils disent, en apparence authentique. Ce qui les a poussés dans leur volonté de tricher et de faire imprimer des chiers de bulletins de vote. Là où se trouvait vraiment le piège, c'était dans un système de puces qui relève du nanomètre, donc du milliardième de mètre, et qui s'applique à peu près n'importe où, et qui ont été mises au point il y a une dizaine d'années, qui servaient au FBI, par exemple, pour tracer de la fausse monnaie ou des monnaies de rançon, des histoires comme ça, pour faire du traçage d'argent. Et ils ont... flanquer cette puce, enfin ce système de puce, dans les bulletins de vote officiels. Mais ça a été gardé secret. Ça n'est sorti que très tardivement, au moment des élections, mais c'était trop tard, bien sûr. Et ça vous donne une petite idée du genre de puce que l'on pourrait introduire dans un vaccin pour le coronavirus. Vous êtes pucé, détectable par satellite, etc., etc., et contrôlable. Et donc, ce système de puce permettrait, avec un simple détecteur, de déterminer la validité d'un bulletin de vote ou non. Oui, tout est cohérent là-dessus. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Si c'est le cas, ce que dit Fulbert est vrai, ça risque de leur coûter très très cher. À condition, encore une fois, comme l'expliquait je ne sais plus qui tout à l'heure, probablement Gandalf, que on prenne en compte une plainte dans ce sens-là. Qui veut rajouter quoi que ce soit sur la discussion qu'on a pour le moment, peu importe le point. Petite chose. Quand on voit ce qui s'est passé, rappelez-vous, en 2016. Donc dans les précédentes élections, quand on a vu tout ce foin que nos médias, et les médias américains bien entendu, ont fait à propos de l'incontournable victoire d'Hillary Clinton à l'époque, avec jusqu'à 98% de probabilité d'élection contre 2% pour Trump, et qu'on voit aujourd'hui que 4 ans sont passés, que le mandat de Trump n'a pas été négatif, pas du tout. Eh bien, ces gens-là savaient parfaitement clairement, de toute façon, qu'il n'allait jamais repasser, jamais. Donc il n'y avait qu'une seule possibilité, une seule, c'était de tenter le tout pour le tout, n'importe comment, avec n'importe quel moyen, pour saloper cette élection. Absolument. Absolument. Non, non, mais là, on va aller dans le développement. Alors, au terme de toutes ces, de cette fraude énorme, c'est l'élection la plus frauduleuse de l'histoire contemporaine. Il n'y a pas d'équivalent. En tout cas, dans le monde occidental. Dans le monde occidental, je précise, effectivement. Pas les élections nègres. Quoi. Oui, oui, bien sûr, c'est pas l'Afrique. Mais encore, le niveau technique de la fraude, je sais pas si chez les nègres, ils y arriveraient. Hein. Oui, oui, il y a une certaine sophistication quand même qui nous fait honneur, c'est vrai. Mais c'est absolument sans équivalent, surtout aux États-Unis, au cœur du système, parce que nous sommes dans un système, le système occidental, et on le voit, et j'y viens, avec les réactions qu'ont entraîné donc la proclamation par Biden lui-même, et surtout par les médias, parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé, de son élection. Donc les mêmes médias qui pendant 4 ans, 5 ans, ont attaqué Trump, l'ont traîné dans la merde, ont inventé des trucs complètement délirants, le fameux dossier russe avec la collusion avec la Russie, étant soi-disant un traître à la solde de Poutine qui allait mener à son impeachment, donc on allait avec des histoires de pute, de Golden Shower. Ouais, enfin, ouais, ouais, vraiment, c'était ça, là. C'était absurde. Le dossier, d'ailleurs, venait de Grande-Bretagne. Je me permets de le rappeler, quand même. Tout ça faisant... Dès qu'on implique les Russes, ça vient très souvent de la Grande-Bretagne. Oui, j'ai remarqué. On n'a jamais vu le gouvernement espagnol sortir un truc en disant « c'est la faute des Russes » ou les Italiens nous annonçaient que s'il y avait des morts dans les hôpitaux, c'était à cause de Poutine. C'est toujours, curieusement, à cause de cette île où il se passe toujours quelque chose de russe. Je ne dirais pas tout le bien que je pense de ce petit peuple. Effectivement. Qui nous a beaucoup fait souffrir, lui aussi. Hein. Mais je parle des Anglais, hein, évidemment. Je serais Elisabeth II, je me méfierais. Ouais, je demanderai l'asile politique à Moscou. Y a des gens qui vont demander l'asile politique prochainement. Il faut quand même mesurer ça. Je veux dire, c'est les médias qui, pendant 4 ans, nous ont dit que le type était un espion de Moscou. Enfin, tous les trucs qu'ils ont sortis, je veux dire, l'affaire Floyd, enfin, c'était délirant, je veux dire. Et, soudainement, les mêmes couronnent Biden au terme fraude énorme qu'on a décrite, qui implique des millions et des millions de voix. Je veux dire, on n'est pas sur 3 Maccabées qui votent au fin fond de Détroit. C'est quelque chose d'énorme. C'est une opération de grande ampleur qui implique des gens de la CIA, qui implique le Parti démocrate, qui implique la totalité de ces médias, qui implique des grandes puissances d'argent, la totalité de la Silicon Valley, maintenant qui nous fout maintenant des encarts sur nos comptes Facebook, Twitter. Non. J'ai une anecdote sur ça. Il ne faut pas lire ce qu'a marqué Trump parce que c'est des conneries, etc. Oui, mais j'aimerais quand même lire. Ah ben non. Il y a un mec qui a sorti, selon une source d'information, que Michelle Obama a eu la trique quand elle a mis le bulletin pour Biden. Et en dessous de ça, il y avait la notification de Twitter, source non vérifiée. Ah, vous l'aurez compris, tout ça évidemment est fait par des IA. Oui, oui, totalement. Alors, donc, Joe Biden se proclame président. Il nous fait un discours hier samedi. Il n'a pas eu le temps de faire son discours, le pauvre. Que Macron était à ses pieds, tweetant le gouvernement reconnaît le président. Mais je vous ai dit, c'est un scénario à la vénézuélienne, c'est un scénario à la syrienne, c'est un scénario à la libyenne, vous avez un... Ou à l'ukrainienne, voilà, il y a un machin qui sort nulle part, créé par la CIA, il se proclame président, tout le monde... Les médias vous disent, ah oui, oui, non mais l'intégralité du peuple le soutient. Alors, virons l'usurpateur, vous voyez, alors, donc l'usurpateur devient le président légitime, et voilà. Vas-y. Je me posais la question de savoir si Saakashvili, je ne sais pas si... Géorgie, ouais. Géorgie, qui est passé en Ukraine, ouais. C'est là, en Géorgie, ils rencontrent des voix. Peut-être qu'ils vont le mettre là-bas aussi. Peut-être qu'ils vont dire, tiens, maintenant... Oui, assesseur. Bah oui, ouais, ça serait marrant. Hein. Ouais, assesseur en Pennsylvanie, ça serait pas mal. Ouais. À chaque fois. Ils sont toujours bons, c'est toujours dans les bons coups. Voilà, voilà. Mais non, mais... Donc, bon, alors, il se proclame président. Il se proclame président. Et encore une fois, il ne l'est pas. Techniquement parlant, nos auditeurs doivent le comprendre, il n'y a que le collège électoral américain qui peut élire le président. C'est une élection en deux temps. D'abord, le vote populaire. Ensuite, le collège électoral des grands électeurs vote pour le président de son choix. C'est très important. J'y reviendrai après. Donc, il n'y a pas de président élu Biden avant le 14 décembre. Il n'y en a pas. Sauf si Trump dit « Je reconnais avoir perdu ». On pourrait, par liberté, se permettre d'appeler Biden le président élu. Mais au moment où on parle, il n'y a pas de président élu Biden. Il n'y a pas de président tout court Biden. D'accord ? Il y a un candidat Biden. Il y a un candidat. Et tous les médias, mais avec une... C'est pour ça, quand on se foutait de la gueule... Quand les mecs se foutent de la gueule de la Chine ou de la Russie en disant « Regardez les pays autoritaires, la presse aux ordres !» Ils disent « Ah, mais regardez avec quelle précision c'est organisé, mais pas seulement aux États-Unis, je veux dire. En moins d'une heure, c'est organisé aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, dans toute l'Union européenne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Mais dans tous les pays alignés. Dans tous les pays alignés. À la vitesse de l'éclair, l'ordre est donné, ça marche comme une armée, c'est la même précision. Et alors ces gens nous disent, voilà, c'est le président élu. C'est pas le président élu, mais on nous dit c'est le président élu. Les médias disent que c'est le président élu, donc on est censé avaler ça. Macron, comme j'ai dit, a pris tout de suite le train en marche, il s'est précipité tout de suite, parce qu'évidemment, il faut être parmi les premiers à féliciter, le soi-disant président. Évidemment, il faut montrer sa servilité, il faut montrer son empressement. C'est là qu'on voit qui aussi est dans le camp de la résistance. Les Russes n'ont pas félicité Biden à ce stade. Je pense qu'ils vont attendre encore un petit moment. Orban n'a pas félicité Biden. Très intéressant. Le Mexique a été plus loin. Le Mexique, dont on avait dit que Trump était, était le pourfendeur absolu. Le président mexicain a dit « Trump a été très réglo avec nous, dans les accords que nous avons eus au plan commercial ». D'accord, n'évoquant pas du tout la question migratoire. Il disait, et le président Trump a été très réglo avec nous. Il est beaucoup trop, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur cette question-là, car il y a un litige au plan légal qui doit encore être tranché. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens, je pense, qui vont avoir de mauvaises surprises en voulant témoigner de leur servilité, de leur obséquiosité. Je pense notamment à cette saloperie de Macron. Cette saloperie de Macron va déchanter. Il va déchanter. Mais il s'est cru malin. Il s'est cru malin. Mais il n'y a rien d'étonnant venant de la part de ce faisant de Macron. Par contre, et alors je lui souhaite quand même, au passage, je lui sais quand même de... Une bonne guerre civile à Macron, ça lui ferait du bien. Je lui souhaite que ça. Alors, revenons-en maintenant à je crois que là, ça devient vraiment très intéressant dans la perspective d'un deuxième mandat Trump, parce que je pense qu'il faut le dire tout de suite. Trump est le président qui a été réélu. C'est lui le vrai président. C'est le président réélu, c'est le seul président légitime des États-Unis. Il faut être sans ambiguïté là-dessus. Voilà, c'est le président qui a été élu en 2016. Il a été réélu en 2020. Et il est la victime d'un coup d'État, une révolution de couleur, comme on dit, comme ça a été le cas en Ukraine et en Biélorussie encore dernièrement, etc. Mais il y a des gens qui l'ont soigné particulièrement, à mon plus grand regret d'ailleurs. C'est notamment l'État d'Israël. Les juifs ultra-sionistes, sous l'influence de son gendre et Jared Kushner. Je m'en suis souvent plaint toutes ces années. Je pense que ce Jared Kushner et sa fille Ivanka Trump ont énormément nui à Donald Trump, lui ont porté tous les torts possibles et imaginables politiquement. Et donc Trump devait s'attendre à se dire, bon bah, s'il y a bien un pays que j'ai protégé, que j'ai aidé en toutes circonstances, à qui j'ai offert vraiment tout ce que je pouvais, c'est l'État d'Israël. Et Trump, sans surprise aucune, a été poignardé dans le dos par la juiverie israélienne. Netanyahou a aussi rapidement que Macron, un peu plus tardivement, je dis aussi rapidement, c'est pas vrai, à quelques heures d'écart, a reconnu la victoire de Biden. Tel Judas embrassant Jésus-Christ dans le fameux jardin. Des oliviers, effectivement. Ouais. Ouais. Il a reconnu, il a dit, et il a fait un petit tweet, il a dit, oh merci président Trump pour tout. Voilà. Un tweet. Il faut rappeler que Netanyahou et sa femme venaient souvent aux États-Unis avec leur linge sale, mais littéralement, ils faisaient de la... Non, à la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Ouais, à la Maison Blanche. Ouais. Aux États-Unis, donc à la Maison Blanche, avec leur linge sale pour se le faire laver gratuit. Voilà, ou se laver, repasser, etc. Enfin, c'est non, mais, genre oui, non, mais non, mais c'est... c'est non, mais il n'y a que des juifs qui feraient ça. Non, les Arabes ne feraient pas ça. Ah non, même oui. Ils sont... et Dieu sait que, hein, mais même les Arabes ne feraient pas ça. C'est vous dire. Mais voilà, alors il a été poignardé dans le dos. Alors revenons là-dessus, parce que moi j'en avais gros là-dessus, moi je veux dire. Trump a dû se dire, voilà, bon, les Juifs c'est un réseau, ça compte, ils pèsent dans le débat public aux États-Unis, il faut donner le change. Peut-être a-t-il une sympathie naturelle pour l'État d'Israël en se disant, ouais, les mecs, c'est des durs, ils défendent leur truc et tout, ouais, c'est des alliés et tout. Machin. Il a acheté le truc, quoi. Ouais. Et il s'est dit, voilà, là, contre l'Iran, je vais y aller, putain, je vais leur faire plaisir, je vais y aller. Alors, embargo à fond, hein. Ouais. Le Golan, territoire annexé sur la Syrie, avec du gaz, a-t-on appris récemment, je reconnais l'annexion. Jérusalem, allez. Capital, on y va. 38 milliards de dollars de dons, hein, pour le confort du soldat israélien. Et puis aussi récemment des accords avec l'Arabie Saoudite, enfin de paix, etc. Mais il a fait tout ce qui a été possible pour l'État d'Israël. Tout. Il y a aucun président américain qui a fait autant pour l'État d'Israël que Donald Trump. Le type se fait poignarder en moins de 10 heures montre en main par Netanyahou. En moins de 10 heures. Même les Russes, qui n'ont aucune bille aux États-Unis, même pas avec Trump. D'accord ? Ils peuvent se dire que Trump est peut-être plus réaliste, moins agressif, mais ils n'ont pas de bille directement investie chez Trump, ok ? Ou vice-versa. Même eux n'ont, à cette heure, toujours pas félicité Biden. Cette salope de Netanyahou est déjà en train de lécher le cul de Biden et de sa négresse de numéro 2. Ok ? Chez qui il vaut mieux être copain ? Moi, je vous dis, je prends les Russes n'importe quand. Mais n'importe quand. Les Juifs, jamais. Jamais, même pas en rêve. Même pas en rêve. C'est un poison. C'est des ordures. Des pourris. Intégraux. Il n'y a pas pire. Je vous dis, il n'y a pas pire. Vous savez quoi ? Une information pour nos auditeurs. Ils ont évalué à brûle pour point, hein, les résultats à la sortie des urnes, voir qui c'est qui a voté pour qui. Alors, on nous a dit Trump, c'est un putain il est anti-islam, etc. Ce qui est vrai. Hein. Mais il est... Vous savez quoi ? Aux États-Unis, les musulmans américains ont plus voté pour Trump que les juifs. Faut le faire. Faut le faire. Faut quand même le faire. Bon, ils l'ont fait. 6 millions de coups de couteau dans le dos. Non, non, mais je veux dire, ok. Non, je veux dire, alors, quand on a chez nous des gens qui disent nos meilleurs alliés, l'État d'Israël, l'avant-garde, le bouclier de l'Occident, les mecs qui sont en train d'armer aujourd'hui les Azéris turcs d'Erdogan là, contre les Arméniens, là, un petit peuple chrétien là, qui essaye de survivre dans le sud du Caucase, etc., qui sont en train de les armer avec des drones, etc. Les mecs résistent, je veux dire, ils sont pris en sandwich. Là, il y a encore les Juifs d'Israël qui leur filent l'armement, etc. Quand des mecs viennent nous dire que ces mecs-là, c'est nos alliés contre l'islam. Je vous dis, le prochain mec que je croise qui me dit ça physiquement, j'en ai pas souvent, hein, mais qui me dit ça, je lui arrache la tête, je lui chie dans le cou. Et je vous invite à le faire. Non, mais c'est plus possible, quoi. Je veux dire, la démonstration par l'absurde, là, de ce qu'on vit. Hein, démonstration par l'absurde. Trump croyait exactement ce truc. Il dit ouais, j'aide pas de doigt Israël à fond. Il aura quand même donné Jérusalem comme capitale. Il a validé ce truc-là. Moi, j'invite Donald Trump en cas de reconduite, à ce que je pense qu'il aura lieu, hein, à la Maison Blanche, hein, reconduite pour un deuxième mandat. Un embargo économique total sur l'État d'Israël. Hein, je pense que c'est pas mal. Oui, il faut que Donald Trump Jr. pousse son beau-frère dans les escaliers aussi. Moi, je lance un appel, une bouteille à la mer. Si quelqu'un de l'équipe Trump à la Maison Blanche m'écoute, je ne sais pas. Je peux remplacer Jared Kushner. Je vous avouerai que la politique à l'égard de l'État d'Israël changerait sensiblement. Il y aura des problèmes. Ce qui vous évitera des problèmes par la suite. Hein. C'est pour aider. Oui, c'est pour aider. C'est pour aider. Sinon, alors, la proclamation. Allez-y, j'ai envie de vous faire un petit tour de table. La proclamation de Biden, comme ça. Enfin, alors, on nous met ça dans la gueule, quoi. Hein, voilà, on nous dit, voilà. Moi, j'ai envie de citer. Comment il s'appelle, ce petit corbeau? Attila, Attali. En disant que c'est le président le plus démocratique que les États-Unis ont jamais eu. Hein? C'est ce qu'il avait dit à propos de Macron à l'époque. Voilà. Il a redit. Non, c'est moi qui en sors. Bon, il aurait pu. Hein, parce que, je repense à ça, je sais pas pourquoi, j'y vois un parallèle. Officiellement, c'est celui qui a eu le plus de votes. Donc oui, une certaine mesure, c'est le président le plus démocratique. Parlons un peu de la démocratie. Alors là, pour tous les gens qui croient à la démocratie, voilà qui devrait un petit peu leur donner matière à réflexion. Moi, je suis contre la démocratie, je le dis tout de suite, c'est une connerie. C'est une arnaque juive, c'est une arnaque aux mains de la banque juive, des médias juifs. Et là, on en a la démonstration, mais totale, si jamais il y avait des goyes assez cons pour en douter, c'est devant votre nez. La démocratie, c'est simple. C'est conçu pour échouer. Bon, le bourrage d'urne, généralement, va pas jusque-là. Parce que comment on pourrit la conscience des peuples? On les laisse un petit peu saboter tout seuls. Mais de temps en temps, il y a une reprise en main, il y a un sursaut. Vous voyez, comme en 1933. Ou comme dernièrement, on a eu le Brexit en Angleterre, ou Donald Trump aux États-Unis. Et c'est là qu'ils sortent la grande machine de guerre. Exactement. Mais là, pour revenir aux États-Unis, à la situation sur place... c'est très très tendu, hein, les contestations, les républicains, les électeurs de base, la plupart refusent ce qui a été annoncé par CNN, par les médias. Donc c'est là, entre la décision de la Cour suprême qui doit avoir lieu plus tard le 7 décembre par rapport pour valider le scrutin avant qu'il y ait les grands électeurs une semaine après le 14. Là, ça va être un mois bizarre. Hein. J'ai vu des manifestations. Là, ouais. On est à la veille. Il faut comprendre qu'on est, on n'est pas juste sur une élection. C'est parce qu'il y a des gens qui comparent ça. Oui, Bush, Gore, année 2000. Non, rien à voir. Qui a une élection qui avait son importance parce que l'État profond voulait Bush. Certes, ils l'ont eu. Mais l'ampleur. L'implication aujourd'hui est sans aucune mesure. C'est sans aucune mesure. Et ça va nous impacter directement chez nous. C'est pour ça que Macron se précipite. Il n'est pas le seul d'ailleurs, je ne vais pas dire qu'il n'y a que Macron. Mais pour ce qui concerne la France, on s'est précipité tout de suite au pied de Joe Biden parce qu'on s'est dit, ça y est, c'est bon, voilà, le système est repris en main, ouf, on respire. Là, je parle en mimant les élites au pouvoir. Et ces gens-là se disent que ça y est, c'est bon, ils ont écrasé la rébellion des peuples. Ils se disent que c'est réglé, que le problème qui avait commencé à surgir en 2015-2016 est définitivement soldé. C'est leur état d'esprit actuellement. Mais ils n'ont pas le choix, Gandalf. Non, ils n'ont pas le choix. J'en parlais en aparté avec tout le monde. Le principe est le suivant. Trump est arrivé au pouvoir. Ils ont tout fait pour qu'il rate son élection. Il est arrivé au pouvoir. Ils se doutaient bien qu'avec un gars comme Trump au pouvoir, leur version du mondialisme allait s'en prendre plein la gueule pour pas un bal. Ça fait 4 ans que ces gars voient l'intégralité de toutes les saloperies qu'ils ont construites partir en couille. Alors, le problème, c'est que le clash, parce que quand tu es président des États-Unis, en fait, tu as quand même très peu de pouvoir. Mais disons que, à force de refuser ce qu'on lui mettait sous le nez, ces gens ont perdu des sommes d'argent colossales. Ils ont, parce qu'il a déchiré des traités, ils ont vu des montages qui ont pris des années de préparation partir en couille. Et le principe est le suivant, si jamais Trump est réélu, ils vont se retrouver dans des situations financières épouvantables. Comme le disait si bien Fulbert, ils risquent en plus pour pas mal de se retrouver en tôle, dans le meilleur des cas. Donc ils sont dans une situation où à l'heure actuelle, la seule possibilité qu'ils ont à jouer, c'est pile je gagne, face tu perds. Alors, ils ont tous les médias avec eux, ce qui est quand même un rolling thunder absolument extraordinaire. Ils ont l'intégralité des présidents des États européens qui sont derrière eux pour une raison très simple, c'est que toutes leurs magouilles ont été construites avec les Européens, avec Israël, avec l'intégralité des pays arabes intégristes, avec toute une série d'États salopards, voyous, j'en passe et des meilleurs. Il faut bien se rendre compte que s'ils se reprennent 4 ans de plus sur la gueule, ils sont dans une situation qui va devenir mais pire qu'intenable. Donc, à l'heure actuelle et en ce moment, tout, mais je dis bien tout, va être bon pour qui gagne, ce compris de loger une balle dans le crâne de Trump. Hein. Faut bien se rendre compte qu'ils en seront capables. Ouais, je rejoins totalement ce que tu dis. Comme Kadhafi. Ouais, c'est les mêmes méthodes. En fait, c'est pour la première fois, et ça il faut le comprendre, pour la première fois, ils utilisent une révolution de couleur dans le monde occidental. Jusqu'à présent, c'est toujours en périphérie du monde occidental, parce qu'on est toujours sur un mode de conquête. Et ça traduit beaucoup de choses. Jusqu'à présent, on était sur un mode d'expansion. Le moment le plus spectaculaire, je crois, que ça a été l'Ukraine, finalement, parce que l'Ukraine est un pays blanc, c'est un pays qui est en Europe, mais en même temps, c'est un pays qui n'est pas dans le monde occidental, je veux dire, culturellement et politiquement et institutionnellement. Mais le peuple d'Ukraine, en même temps, voulait accéder, je veux dire, à une modernisation, etc. Et ils nous ont fait le grand numéro. Alors, je ne suis pas du tout un fan nécessairement de Yanukovych, hein, qui était un mafieux intégral, etc. Mais pour le coup, les méthodes qu'ils ont utilisées contre lui, si vous voulez, c'était des méthodes de salopard, quoi. Alors, le type était lui-même un salopard. Yanukovych, c'était un salopard. Mais à côté des mecs qui lui ont fait le coup, c'était un gamin de 4 ans, quoi. Moi, quand j'ai vu l'affaire ukrainienne, et je sais qu'il y a beaucoup de nos gens, hein, beaucoup de nos sympathisants, beaucoup de nos amis même, qui sont des partisans de l'indépendance de l'Ukraine, ça, contre quoi je n'ai absolument rien. Mais j'ai bien compris que le truc avait vocation à être répliqué absolument partout. Et voilà où on en est. Et c'est aux États-Unis maintenant. Alors si aux États-Unis, si au cœur du système, les mecs utilisent une révolution de couleur, mais c'est carte blanche, je veux dire, les mecs, c'est open bar, il n'y a plus aucune limite. Si aux États-Unis eux-mêmes, les mecs sont capables de faire un truc pareil, de voler une élection devant le nez de tout le monde en trichant, en impliquant les services de renseignement, mais avec les infos, parce que c'est même pas comme si c'était pas disponible, parce que on les trouve, les infos, elles sont là, elles sont disponibles. Les médias les censurent, mais elles sont là. Si les types acceptent de faire ça, après, c'est le déluge, ils ne reculeront devant plus rien du tout. Ils iront chercher les gens chez eux pour les abattre. Il faut bien comprendre l'approche, parce que cette histoire de globalisation, ça remonte à quoi ? L'histoire de la globalisation remonte à l'après-guerre. Et dans les années 70, bon, on a 72 qui est la crise du pétrole, où on est obligé de signer des accords avec les bougnoules pour faire rentrer de la main-d'œuvre, pour laisser l'Europe se faire envahir par l'intégralité des islamistes. Mais surtout, à partir de ce moment-là, on assiste à un énorme souci. Je dis bien un énorme souci. Qu'est-ce qui se passe ? On assiste à la fin des charbonnages et on assiste à la fin de la sidérurgie. Alors, moi je me souviens très bien, parce qu'à l'époque on avait des profs de géographie qui nous faisaient apprendre par cœur la géographie économique de l'Europe au niveau des charbonnages. Je pourrais vous tenir le crachoir pendant 2 jours. Mais en fait, quelle est la finalisation de ça ? On n'a pas flingué les charbonnages parce qu'il n'y avait plus de charbon en Europe. On n'a pas flingué la sidérurgie parce qu'on produisait trop d'acier. Ça, c'est de la couille en tube. Le problème des gouvernements européens, je parle des gouvernements de l'Europe de l'Ouest, c'est qu'ils se retrouvaient avec les mineurs et les sidérurgistes qui, à l'origine, étaient des bases purement socialistes et purement de gauche, mais qui, voyant que les gouvernements étaient dirigés par des alliances, alors c'était des alliances socialistes libérales, social-chrétiennes libérales, libérales-social-chrétiennes, ces gens-là commençaient à réagir et à comprendre une chose. Ils s'apercevaient que leur syndicat, c'était de la couille, et que la gauche, c'était de la couille aussi. Alors moi, je l'ai vu, je vous garantis, franchement, ça n'a plus rien à voir avec les gilets jaunes actuels et avec ce qui se passe. Moi, j'ai vu des manifestations de mineurs et des manifestations de sidérurgistes. Alors, il faut bien comprendre un truc, hein, les gars. Quand vous voyez les violences qu'il y a eu à Paris, c'est une vaste couille. Moi, j'ai vu des mineurs qui montaient à l'assaut des barrages de gendarmerie. Derrière les camions blindés, les chevaux de frise et les gendarmes, t'avais les ambulances, et les gars qui rentraient dans des civières à destination des hôpitaux, c'était pas les manifestants, hein, c'était les gendarmes qui tombaient comme des pipes au tir aux clés. Hein. Faut bien comprendre que quand tu as les gars à l'époque qui se ramassaient des gaz lacrymogènes, ils te sniffaient ça en disant « on est habitué au grisou, on s'en fout ». À l'époque, on te tirait dessus avec des balles en plastique. Les mecs, ils n'en avaient rien à kicker. On peut poser la question à Fulbert, je suis sûr qu'à l'époque, il a assisté aux mêmes choses que moi. Les sidérurgistes, c'était exactement la même chose. Sauf qu'en plus, là, les gars, ils montaient avec des barres de fer et des boulons. Et de nouveau, qu'est-ce que tu avais dans les ambulances ? Des gendarmes qu'on alignait gentiment avec leur petit casque en polycarbonate fêlé. Donc en fait, on a flingué l'intégralité des grosses industries qui permettaient en fait d'avoir des gens qui étaient motivés pour un développement social dans leur intérêt. Et je vous dis franchement qu'un sidérurgiste de l'époque, un mineur de l'époque, c'est pas les débiles profonds qu'on voit manifester en ce moment avec des QI négatifs. C'est des types, ils voulaient gagner leur vie, ils voulaient fonder une famille, ils voulaient avoir une existence normale. Tout ça, ça a été ratiboisé, parce que une fois qu'on a terminé la sidérurgie, une fois qu'on a terminé les mines, on s'est attaqué à l'éducation nationale pour fabriquer des 100% connards. Et maintenant, je suis désolé, mais le peuple a, c'est malheureux ce que je vais dire, Le peuple a les gouvernants qu'il mérite, c'est-à-dire des gens qui vont les mener, à moins que Trump ne soit réélu, des gens qui vont les mener vers une mondialisation absolument débile, dans laquelle la Chine produira absolument tout avec l'Inde. Les Africains viendront ici parce que, bon, à partir du moment où tu as une quantité astronomique de personnes sur un continent, ben, les éléphants n'ont pas à bouffer, les lions n'ont pas à bouffer, les rhinocéros n'ont pas à bouffer, donc ils disparaissent. Et quand ils auront tout bouffé, les mecs, ben, il y a qu'ici qu'ils auront des échappatoires. Et cerise sur le gâteau, toutes nos industries se cassent. Donc on va se retrouver dans un espèce de désert où on aura une majorité de migrants, des petits blancs comme en Afrique du Sud, et je vous conseille d'aller voir ce que c'est les petits blancs en Afrique du Sud. Faut du courage pour être petit blanc en Afrique du Sud. Et puis c'est fini. Et les États-Unis, ça va être exactement la même chose. Il faut bien comprendre que si Trump perd, le premier amendement part sur sa gueule. Ils ont le même système que la loi Avia aux États-Unis dans les 60 secondes. L'intégralité des milices sont désarmées. Et ils feront exactement le même bordel. Parce qu'en fait, Trump, qu'est-ce qu'il a défendu? Il a défendu tous les types qui vont au taf dans les charbonnages aux États-Unis pour extraire du charbon. Il a défendu les gars qui sont dans ce qui reste, je dis bien ce qui reste de la sidérurgie américaine, qui était quand même un fleuron extraordinaire et qui est parti en couille. Et en fait, il a essayé de se démerder pour que le peu qui reste d'industrie automobile soit revienne, soit reste sur place. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'industrie automobile américaine, et il y en a beaucoup, allez voir les marques des automobiles américaines qui existaient dans les années 70 et regardez toutes les villes où on produisait les bagnoles. À l'heure actuelle, ce sont des déserts économiques complets. Ce sont des hangars vides, ce sont des immeubles en ruine. Et ça, c'est notre futur si Trump se barre. Il y a un point sur lequel je vais revenir sur ce que tu as dit en termes de perspective, notamment à l'Afrique du Sud. Il faut savoir un truc, c'est que Malema en Afrique du Sud, espèce de nègre vraiment très enragé, voulait exproprier tous les agriculteurs blancs qui sont victimes d'assassinats ciblés, etc., de la part de l'ANC, qui est le parti communiste en fait d'Afrique du Sud de Mandela. Quand je dis parti communiste, c'est pas une figure de style, hein. C'est le parti communiste d'Afrique du Sud. Hein. Et en 2016-2017, ils avaient commencé à faire monter la température en disant voilà, maintenant on va exproprier les fermiers blancs. Alors quand ils disent ça, évidemment, les gens se disent ah bon, d'accord, exproprier, truc. Non, non, c'est. L'objectif, c'est d'assassiner tous les blancs qui existent dans le pays, en fait. Hein. C'est ça le programme. Hein. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai envie d'exproprier tous les fermiers juifs de France. Je pense que ça serait pas mal hein, à faire. Et banquier, donc, tu veux dire tu as dit fermier, tu voulais dire banquier. Non, les fermiers juifs de France, je pense qu'il faudrait les exproprier. Je pense que c'est très important. Et donc, c'était à deux doigts de se produire. Et c'est Trump qui est intervenu, qui a dit « Ok les mecs, enfin à toute la clique là, de nègres d'Afrique du Sud, ils ont dit « Si vous faites ça, il y aura des conséquences, et des conséquences, vous n'avez pas fini de les regretter. » Et en 48 heures, il n'était plus de question d'exproprier qui que ce soit. En gros, il n'était plus question de nettoyer ethniquement quoi que ce soit. Donc c'est Trump qui a sauvé les Blancs en Afrique du Sud, du génocide intégral, les bourgs plus exactement, les bourgs. C'est lui qui les a sauvés. Trump a fait beaucoup de conneries, mais il a aussi fait quelques trucs bien. Et notamment sauver les bourgs. Il les a sauvés d'un vrai génocide. Ça aurait été Obama, ça aurait été un carnage. Les mecs auraient été assassinés. Tous, jusqu'au dernier. Ils auraient été assassinés. Les mecs auraient dit, ouais, truc, c'est pas... Ouais, il y a des trucs en Afrique du Sud. Effectivement, ouais, c'est vrai. Ouais. Faudrait peut-être qu'on fasse une réunion à ce sujet-là. Je sais pas, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais pas, faut en discuter. Ouais, voilà. Ça serait terminé comme ça. Et Trump a dit non. Je disais, mec, si vous faites ça, attention, il va se passer des choses. Et les nègres en Afrique du Sud, ils ont reçu le message 5 sur 5. Et il n'était plus question d'exproprier qui que ce soit. Donc, c'est jamais évidemment tout blanc tout noir quoi, hein, mais ouais, je veux dire, on sait très bien ce qui va se passer quand tous les autres vont arriver, quoi. Enfin, si jamais ils veulent arriver, si jamais ils y arrivent. Alors, messieurs. Vas-y, bah ouais. Pour revenir un petit, sur un point sur ce qu'a dit Diabolix par rapport à la fin du premier amendement et du second. Oui, le second dont on parle peu, oui. Bah oui, le second. Enfin, dans le programme de Biden, il est prévu de. C'est marqué, hein, il prévoit de faire une task force nationale. Alors, c'est marqué pour s'occuper du harcèlement en ligne, mais quand tu lis un petit peu dans le détail, donc ça va regrouper des agences fédérales, des spécialistes en technologie, des avocats, des forces de police, pour lutter contre le harcèlement en ligne, mais aussi pour faire les connexions avec les meurtres de masse, hein, et ce qui se dit sur Internet. Donc c'est... Oui, c'est la loi Avia. Oui, les gens qui vont se plaindre des nègres sur Internet seront coupables de terrorisme. Avoir tué des nègres. Hein. Voilà. Ça sera très, très vite fait. Donc c'est la DILCRA. Hein. DILCRA aux États-Unis avec... enfin, nous, en France, c'est rigolo, mais quand c'est un pays qui a la NSA derrière... Ça, oui, oui. C'est moins drôle. C'est pas comme Adopi, hein. Non, mais ça aurait une conséquence, peut-être aussi. Bah ouais, tu vas voir le SWAT arriver chez toi, quoi, parce que t'auras du fond nègre, ça fera bizarre. Ouais, mais même par rapport à l'existence de démocratie participative sur Internet. Ah oui, ah oui, oui, oui, oui. C'est oui. Pas évident qu'on puisse garder le site l'année prochaine, si effectivement. La DILCRAsation des États-Unis a lieu. Hein, c'est... Nous, on s'accorde du Nord. Fort à parier qu'on ne puisse plus ouvrir des sites comme ça. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Parce que, en fait, tu peux faire une recherche au niveau mondial. Chaque fois que tu vois un endroit dans la planète où tu as des serveurs informatiques, la majeure partie du temps, mais alors je te dis tout de suite, c'est de l'ordre de 90%. Les serveurs qui sont, par exemple, à Dubaï sont les serveurs qui sont gérés par une entreprise américaine. Les serveurs qui sont en Inde sont des serveurs qui sont gérés par des entreprises américaines. Et ainsi de suite, quasiment partout à travers la planète, exception de la Chine et de la Russie. Donc, en fait, si demain le premier amendement tombe, c'est au niveau mondial que la suppression de sites comme le nôtre se feront. Vous en faites pas, on sera quand même présent sur d'autres plateformes. Alors messieurs, il n'y a pas que Emmanuel Macron ou Benjamin Netanyahou qui se sont félicités de l'élection de Joe Biden, enfin allégués puisqu'on sait qu'elle est fausse, frauduleuse et honteuse. Il y a Bill Gates. Bill Gates qui envoie le message suivant sur Twitter aux intéressés. Félicitations au président Biden et au vice-président Harris. Merci aux responsables des élections et aux bénévoles de la campagne qui ont travaillé sans relâche pour qu'un nombre record d'Américains puissent voter. Oui, effectivement, même les morts. Et que leur vote soit pris en compte dans une période aussi difficile pour notre pays. J'ai hâte de travailler avec la nouvelle administration et les dirigeants des deux partis du Congrès pour maîtriser la pandémie. Mobiliser des partenaires dans le monde entier sur des questions telles que la pauvreté, le changement climatique et aborder les questions d'inégalité et de chance chez nous. Alors messieurs, ben voilà quelqu'un qui va vite en besogne, hein, tout ça, ça va très très vite, hein, d'accord, vous avez compris, hein, samedi soir les médias disent voilà il a gagné, d'accord, ok, bon... Ah bon, d'accord, les dirigeants étrangers ont reçu, enfin étrangers, en Occident, hein, alignés sur les États-Unis, donc reçoivent la consigne. Il faut féliciter tout de suite Biden, ok. Tweet, etc., ça va très très vite. S'en suivent donc les gens au cœur du dispositif comme Bill Gates, et là ils sont là. On a l'impression que vous essayez, ah, je vous félicite, etc., mais t'as plus l'impression que c'est l'employeur qui félicite l'employé qu'autre chose, là. Hein. Bill Gates, il dit ah, bravo Biden, hein. Bon boulot, bon maintenant, va falloir y aller maintenant. Hein. Gandalf, j'ai vu passer un message qui disait ceci. Cette démocratie me laisse un drôle de goût dans la bouche. Signé Monica Lewinsky. C'est un humour un peu douteux, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Alexis. Oui, ce qui me semble, oui, tu parles de Bill Gates et de Donald Trump. Je pense que la fausseté des médias, que ce soit en France ou même aux États-Unis, la fausseté des médias se mesure bien au jugement qu'ils portent sur ces deux personnages. Bill Gates s'est présenté comme un philanthrope, quelqu'un qui donne son, après une réussite fantastique dans le domaine de l'informatique, de l'entreprise, de Microsoft, quelqu'un qui, soi-disant, soigne la terre entière avec ses vaccins, ses trucs. Mais on sait qu'il y a 500 000 petits Indiens qui ont été paralysés des suites de vaccins de Bill et Melinda Gates contre la poliomyélite, soi-disant, et que l'épidémie serait liée plus à ça. Il y a eu des cas beaucoup en Afrique, on dirait que c'est des gens différents de nous, les Africains, etc., mais il faut voir que c'est des cobayes et que nous, on est les prochains sur la liste. Des cas notamment de stérilité chez les femmes, et là, ça se voit assez vite hein, chez les Africains quand il y a des stérilités. Donc, ce gars est présenté comme un philanthrope, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui veut mettre sous réglé l'intégralité de l'humanité pour des prétextes sanitaires. Et à l'inverse, Donald Trump est présenté comme un petit peu comme un dictateur, quelqu'un qui réduit la liberté, quelqu'un qui est un peu idiot, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu brutal, etc. Alors qu'en fait, il a montré exactement le contraire. De par exemple, sa réforme sur les entreprises, la baisse des taxes, il a favorisé le petit commerce, donc la liberté d'entreprise y compris pour les classes moyennes, les petites gens. La liberté, aussi en matière médicale, puisque on avait parlé une fois, mais en fait, les médecins sous l'administration Trump n'ont pas perdu leur licence, leurs accréditations, ce qui arrivait très souvent sous l'administration Obama, quand ils étaient un petit peu en dehors des cadres de l'OMS, quand ils faisaient quelque chose un petit peu, un avis personnel qui contrevenait ce que disait l'OMS, par exemple. Aussi en matière vaccinale, Donald Trump a dit que les gens pouvaient se faire vacciner, mais qu'il n'y aurait pas d'obligation. Et puis, de par les contacts qu'il a eus avec le docteur anglais, notamment Wakefield, il a montré qu'il était aussi sensible à ces questions et qu'il laissait la liberté aux gens dans beaucoup de cas. Et finalement, moi, je suis beaucoup plus proche de Trump que de Gates. Et les médias, par contre, nous expliquent exactement le contraire de la réalité. C'est tellement mensonger que ça ne peut que choquer les gens d'une bonne éducation morale. Oui, c'est d'un cynisme, c'est incroyable. À tout à l'heure, en off, Diabolix, il me reprenait, il me disait, parce que moi j'étais choqué en fait du dispositif qu'ils ont déployé, et Diabolix me disait, oui, t'es un petit peu naïf, mais non. C'est simplement que c'est pas en fait dans ma nature d'être aussi salopard que ça. Tu vois, ces gens-là vraiment sont mal incarnés. Je voudrais faire des saloperies, je n'arriverais pas à penser à des trucs aussi tordus que ça. C'est incroyable. Oui. Oui. On se bat foncièrement, c'est un combat du bien contre le mal, hein. C'est pas autre chose. Il y a un évêque, comme ça, un archevêque qui l'a dit dans ses termes, je suis d'accord, et de mon point de vue, démocratie participative, c'est aussi le combat du bien contre le mal. Alors ça peut paraître naïf, ça peut paraître manichéen, comme disent tous les imbéciles qui répètent ce qu'on leur dit à la télévision et dans les écoles, mais non, je vous rassure, je tiens à vous le dire, c'est aussi simple que ça. Alors, juste pour vous donner un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler une présidence Biden, ce qui n'arrivera pas, hein, mais quand même, parce que vous savez, vraiment, c'est un coup d'État. Ça correspond à la mécanique du coup d'État. Tous ceux qui connaissent les méthodes des révolutionnaires marxistes savent ça, et Dieu sait qu'elles sont très connues par les services de renseignement, donc ces gens-là savent comment s'y prendre. Donc il y a des symboles comme ça qui nous parlent. Et donc Biden, qui est en train de monter un gouvernement provisoire et qui a déjà des soutiens à l'étranger, c'est pour ça que quand Trump a soutenu le coup d'État au Venezuela, j'étais vraiment opposé à ça. C'est pas parce que j'aime Maduro, parce que Maduro est un communiste, si vous voulez, quoi. Mais je savais très bien que ça serait utilisé contre nous. Je le savais. Donc je me disais, c'est ce genre de truc qu'il ne faut pas soutenir. Jamais, sous aucun prétexte. Parce que ça finit tôt ou tard chez vous. d'accord, les mêmes salopards qui utilisent ces méthodes-là à l'étranger finissent par les retourner contre vous. Trump, dans quelle mesure il a pu, il n'a pas pu, etc. J'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis comme tout le monde. Mais j'étais contre. Et d'une manière générale, je suis contre ce genre de truc. Et il faut toujours s'en tenir à ça, quoi. Il faut toujours être sur une ligne. Voilà, j'ai envie de dire souverainiste, nationaliste, et laisser aux nations la liberté de se déterminer dans leur politique intérieure. Parce que ça se retourne toujours contre vous, ce genre de conneries. Et puis en plus, au Venezuela, ils n'avaient plus de PQ, donc c'était rigolo, quoi. Oui, et puis je veux dire... J'ai plus l'impression que le Venezuela était une répétition générale contre Trump que qu'autre chose, franchement. J'ai pas du tout cru à la sincérité de la CIA ou du département d'État face au Venezuela. J'y ai pas cru du tout. Je pense que c'était plus une espèce de répétition générale, comme je le dis. Alors voici qui Biden a en tête pour s'occuper de sa diplomatie. Dick Cheney. Oh, Neocons. Alors attention, nos amis qui nous écoutent, va se dire les plus jeunes. C'est qui ça? Quoi? De quoi? Dick Cheney, c'est le cerveau de George Bush. Voilà, ça devient très très très très sérieux. Ceux qui sont nos auditeurs qui ont 20 ans ou 25 ans, qui sont nés en 95, en 99, de quoi on parle-t-on? Alors, il faut savoir que tout ce qui se passe là, en fait, peut s'expliquer de A à Z, parce que c'est les mêmes gens. En 2000, quand Bush a été élu président, à l'occasion d'une élection aussi complètement bidon. Ce sont ces gens qui sont derrière toutes les guerres. Voilà, et là, alors en général, quand ils volent une élection, c'est pour faire une guerre. Je vous préviens. Quand ils volent une élection, c'est pour faire une guerre. Donc, ils ont volé une élection en 2000, ils ont foutu Bush au pouvoir, ils voulaient une guerre. Est-ce qu'Al Gore se serait opposé à une guerre? Je ne pense pas, mais ils pensaient que, dans la situation du moment, il fallait mettre Bush. Ils ont mis Bush au pouvoir. D'accord? Très bien. Donc, il y a eu comme ça des urnes qui ont nagé dans les marais de Floride. Et ils ont mis qu'il fallait au pouvoir avant que la Cour suprême, au final, reconnaisse que c'était Al Gore qui devait être élu et pas Bush. Notez-le bien, ça pourrait nous servir. Et George Bush fils, pas père, était stupide. Il est stupide. Oh oui. Non mais il est stupide, c'est reconnu. Jeb Bush était plus intelligent que lui, d'ailleurs. Et le père... Le premier, celui qui a été président en 90, lors de la guerre du Golfe, était extrêmement intelligent. Il venait de la CIA, c'était un cadre de la CIA, et d'ailleurs il trempait dans l'assassinat de Kennedy, puisqu'il était au Texas à ce moment-là, je vous passe les détails. Toujours est-il que, il fallait les gens aller voter pour le non, Bush. Mais la CIA savait que Bush ne pouvait pas faire le job. Donc ils lui ont collé Cheney dans les pattes. Cheney est extrêmement intelligent. Très, très, très intelligent. C'est pas du tout un clown. C'est des gens très dangereux. Très, très, très dangereux. Quand vous voyez ces noms arriver, vous pouvez vous dire qu'il va se passer des choses et que ces choses sont pas belles à voir. Donc, en fait, c'est rebelote 2000. Ils ont mis Bush, qui était un idiot, qui savait pas quoi, truc, mais il fallait quelqu'un pour être dans la Maison Blanche. Et ils ont mis Cheney à côté. Ils veulent mettre Biden dans la Maison Blanche, c'est un idiot, il sait pas quoi, truc, et ils vont mettre Cheney à côté. Et Cheney va dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça implique une guerre. Ça implique une guerre. Il faut que les gens aient conscience de ça. Quand on met ce genre de client-là dans la Maison Blanche, ça implique une guerre. Donc, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que tous ces gauchistes à la con, qui ont été contre Trump, etc., y compris Bernie Sanders, cette espèce de juif pacifiste de mes deux, là, sur la gauche radicale et je sais pas quoi... Et l'autre enculé, là, comment il s'appelle, l'anarchiste, là, qui est cité en permanence, là, il fait autorité, là, dans tous les milieux de gauche, là, l'anarchiste. Michael Moore. Non, il a 90 balais, là, c'est un juif, là, il est vachement connu. Ah, Chomsky. Chomsky, il est là, ouais, Trump, c'est un nazi, machin. Ces mecs-là sont en train d'essayer de mettre au pouvoir Dick Cheney, qui est responsable de la guerre en Irak, et qui nous prépare un truc beaucoup plus sale. J'aime autant vous le dire. Donc, c'est ça le choix qu'on a actuellement, et Biden a dit, ça y est, c'est bon, c'est lui. Il va penser ma politique étrangère. C'est lui. Il s'est pas caché, ok. Tout ça, c'est sur CNN actuellement, ok. Il se cache pas, les mecs. Ok, il dit, voilà, ok, les gars, c'est bon, Trump est mort, ok. En ce moment, hein, Trump est mort, il n'existe plus. 71 millions d'électeurs, ils n'existent plus, on les oublie. Chez nous, on a Macron qui nous explique qu'effectivement, ils n'existent plus. Tous les médias disent qu'ils n'existent plus. Et maintenant, on aurait, techniquement, Cheney au pouvoir pour la suite, en plus de Bill Gates. Peut-être aussi Madeleine Albright, par exemple, née Korbelova dans une famille juive tchèque qui avait reconnu face caméra que 500 000 enfants irakiens étaient morts des conséquences de l'embargo lors de la première guerre d'Irak, mais qui a dit que c'était pas un problème, que c'était un mal nécessaire. Exactement. Alors sur ce, j'aimerais quand même qu'on conclue sur les propos du président Trump. Et pour moi, ce sera le président Trump à part ça maintenant. D'accord, je Biden, je sais pas, peut-être qu'il client d'un EHPAD, je ne sais pas, mais il n'y a qu'un président aux États-Unis, pour moi, c'est Trump. Je ne dis pas, encore une fois, hein, que je signe à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toutes ses déclarations. Il y a des trucs qu'il a fait que j'ai trouvé révoltants, mais qu'il a fait sur conseil de, surtout de son beau-fils juif, Jared Kushner. Je dois dire que l'assassinat de Soleimani, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. C'était vraiment pas possible. Mais bon, on est là où on est. On n'a pas la liberté de tous les choix. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Et je pense que la situation est claire. Je vais lire le communiqué de Trump, qui a été censuré absolument partout. Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer à tort pour le vainqueur et pourquoi ses alliés médiatiques font tant d'efforts pour l'aider. Ils ne veulent pas que la vérité soit dévoilée. Le fait est que cette élection est loin d'être terminée. Joe Biden n'a été certifié vainqueur d'aucun État, et encore moins d'un des États très contestés qui se dirigent vers un recomptage obligatoire, ou d'États où notre campagne fait l'objet de contestations judiciaires valables et légitimes qui pourraient déterminer le vainqueur final. En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs juridiques n'ont pas été autorisés à avoir un accès significatif ou décent pour observer le processus de comptage. Ce sont les votes légaux qui décident qui est président et non les médias. À partir de lundi, notre campagne va commencer à poursuivre cette affaire devant les tribunaux pour s'assurer que les lois électorales sont pleinement respectées et que le vainqueur légitime est en place. Le peuple américain a droit à une élection honnête. Cela signifie qu'il faut compter tous les bulletins de vote légaux et ne pas compter les bulletins illégaux. C'est la seule façon de garantir que le public ait pleinement confiance en notre élection. Il n'en demeure pas moins choquant que la campagne de Joe Biden refuse d'accepter ce principe de base et souhaite que les bulletins de vote soient comptés même s'ils sont frauduleux, fabriqués ou déposés par des électeurs inéligibles ou décédés. Seul un parti ayant commis des actes répréhensibles empêcherait illégalement les observateurs d'entrer dans la salle de dépouillement et se battrait ensuite devant les tribunaux pour leur en interdire l'accès. Alors, que cache Biden? Je n'aurai de cesse que le peuple américain ait le décompte honnête des votes qu'il mérite et que la démocratie exige. Un commentaire sur ce communiqué officiel du président Trump? C'est un communiqué qui est très pondéré, très raisonnable. Je comprends qu'on l'ait censuré. Oui, moi aussi. Non, mais c'est vrai, là, il n'est pas dans un ton outrancier. Il pose la question de pourquoi les observateurs ne peuvent pas être là. C'est une question essentielle. Voilà, je comprends qu'on les censure, effectivement. Non, mais il ne se laisse pas marcher dessus. Et je dis, là, on a un mois où les choses vont se passer. Alors, quant à l'issue qui va être donnée à tout ça, bon, c'est assez certain pour le moment. Mais là, les tensions sont... c'est une poudrière. Hein. Il faut pas laisser passer cette merde. Beaucoup sont très armés, d'ailleurs. Bon. Oui, c'est bien. 80% de la population américaine vote républicain. Population armée. Oui. Ouais. C'est assez intéressant. En France, s'il y avait la même culture... Les gouvernants seraient peut-être un petit peu moins ouais, comme Macron, quoi. Hein. Par contre, je te prends au mot. Inversement, si le système aux États-Unis est capable de défier 80% de la population armée, c'est que les mecs sont aux abois. Oui, c'est... Tu ne fais pas un truc comme ça quand tu as toute une série d'options. C'est sûr. C'est pas le genre de choses que tu t'amuses à faire. Hein. Donc les types, ils disent, on n'a plus le choix, il faut passer par là. Alors les mecs, on dit, ouais, mais les mecs sont tous armés. Là, oui, mais l'alternative... les mecs, ouais. Donc, bon, il faut tenter, quoi. Donc, je vais vous le dire, hein, le sang va couler dans les rues de l'Amérique. Ça va couler, c'est sûr. On ne peut plus stopper cette machine. Et ça ne va pas s'arrêter. Peu importe le vainqueur, je veux dire, même le vainqueur légal, enfin, soi-disant, parce que ça sera une. Enfin, il n'y a qu'un vainqueur, c'est Donald Trump. Je le dis, je le répète, hein, y a un président aux États-Unis, il a été reconduit, c'est Donald Trump. Des forces d'argent identifiées. Ont estimé que c'était pas acceptable et qu'il fallait le renverser. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Mais la conséquence, c'est que peu importe le résultat légal officiel, c'est que le sang va couler. Et à partir du moment où l'Amérique qui gère tout le système, parce que quoi qu'on en pense, même si je veux dire, on a le droit à notre régionalisme, hein, les Français ont le droit de faire leur truc de leur côté, les Allemands ont le droit de faire leur truc. Bon. Le cœur du système, il est géré en Amérique. Si l'Amérique se met à imploser comme ça, les conséquences chez nous, elles sont inévitables. Inévitables. Bon, je sais qu'on aime bien, hein, entre nous, hein, on aime bien se disputer sur des trucs bidons, mais je veux dire, c'est clair, quoi. Je veux dire, Macron, il va recevoir ses ordres, il va recevoir ses ordres de mission. On va lui dire 2022, t'es réélu. Macron, il est là. C'est ça qu'il fait. Macron, quand il dit à Biden, bravo pour ta réélection, Macron, il dit, en fait, il s'autocongratule. Il dit, putain, on a été très très bon en 2022. On a déjà gagné, quoi. C'est-à-dire que Macron a gagné en 2022. Sachez un truc, c'est qu'il n'y a pas d'élection en 2022 en France. Il y aura un truc qui aura peut-être lieu, qu'on appellera des élections, un genre de kermesse. Mais Macron a gagné, ok, c'est écrit, c'est déjà marqué dans les carnets, ils ont dit voilà, c'est bon. Et c'est pour ça que Macron, il se précipite. Il dit, les gars, vous me protégez, hein. Et évidemment, les mecs vont le dire, bien sûr, Emmanuel, écoute, c'est la famille. Voilà, c'est tout, ça se passe comme ça. Donc, alors le programme de Biden, on en termine là-dessus, juste pour donner une perspective, histoire d'avoir bien les jetons, hein, pour maintenir le suspense. Son cadavre a annoncé qu'il y aurait toute une série de décrets présidentiels qui seraient pris tout de suite, immédiatement, dès qu'il serait élu. Les États-Unis rejoignent l'accord de Paris sur le climat, donc la terreur climatique, ça y est, avec les États-Unis dans le jeu, c'est parti, on y va à fond. Donc, plus de véhicules avec de l'essence, les avions, on oublie, je passe tout le truc. Dans le gouvernement américain, restauration de la théorie raciale critique, c'est-à-dire en fait la thèse selon laquelle l'Amérique est gouvernée par la race blanche qui cherche à exploiter les races de couleur. Donc, des néo-nazis en fait. Voilà, donc l'Amérique est gouvernée par des néo-nazis, ça c'est la théorie officielle, et à partir de ça, désormais, on remet ça au goût du jour. Trump avait censuré ça par un décret présidentiel, on remet ça au goût du jour, et donc on. Il y aura à nouveau des séances d'embrigadement de masse pour apprendre à haïr les blancs dans le gouvernement américain. Recrutement prioritaire de tous les non-blancs pour les emplois dans le gouvernement fédéral. Un groupe de scientifiques désigné par Biden, entre guillemets, c'est-à-dire Bill Gates, sera mis en place pour mettre un plan de lutte contre le Covid en fonction. Bon, ça vous laisse réfléchir. Arrêt de la suspension de l'immigration depuis les pays musulmans. Parce que vous savez, il y avait le Muslim Ban qui avait été décidé par Trump. En fait, la liste des pays pour lesquels c'était valable avait été décidée par Obama. Ce que les gens ne savent pas et qui ne sauront jamais. Et bien évidemment, grande promesse de Biden, interdiction des armes à feu automatiques. Alors vous allez me dire, mais les armes à feu automatiques, qu'est-ce que ça veut dire? Bah aux États-Unis. Bah oui. Pourquoi? Le second amendement, les citoyens sont armés aux États-Unis. C'est pas comme chez non, nous en France. Alors, je crois que c'est les full auto quand même. Non mais non parce que après il y a des histoires d'États. Non, t'as pas de full auto. T'as des États. Enfin si parce que il y en a des full auto sur autorisation. Il y en a. Voilà voilà et autorisation et par État il y a des restrictions etc. Mais bon, lui son idée c'est d'interdire partout. Universellement les armes automatiques. Alors évidemment les gens qui nous écoutent ils disent bah, alors, comme en France, c'est le cas chez vous, en fait. Oui voilà oui sauf que nous on est déjà du bétail et on peut rien faire. C'est ça. Eh oui on est déjà du bétail fait. On n'a pas notre mot à dire sur quoi que ce soit et voilà. Alors non mais le plus important au niveau des armes c'est que aux États-Unis c'est est-ce qu'il va toucher aux armes semi-automatiques pour le coup. Est-ce que les armes semi-automatiques où les armes de poing vont être soumises à des restrictions plus strictes. Et à terme, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est le truc qu'il y a en France, c'est que tu n'auras plus accès à que dalle, c'est tout. C'est... Ben oui, c'est surtout ça, parce que le problème des armes full automatiques, c'est déjà super compliqué d'en avoir aux États-Unis. Même, pour avoir par exemple un MP40 d'origine, c'est compliqué. Hein, et M16, t'as pas le droit non plus, t'as pas le droit d'avoir M16, tu es obligé d'avoir la version civile, la R15, hein, donc c'est le coup à coup, semi-automatique. Et c'est ça qui est très répandu chez les Américains. Et pourquoi c'est important? Parce que le second amendement qui soutient le premier... Protège le premier. Et voilà, c'est-à-dire que... Et en fait, c'est le plus important des amendements. Parce que tu peux avoir ton premier amendement, mais si t'as pas le deuxième, qu'est-ce que tu fais avec? Si t'as pas des armes pour défendre ton droit à la liberté d'expression, tu peux aller te le foutre dans le cul, ton premier amendement. Alors que si t'as ton deuxième amendement, eh ben tu peux avoir un premier amendement. C'est pour ça que les pères fondateurs, et je le reconnais, les pères fondateurs des États-Unis étaient des gens... C'est pas juste de pondre trois doigts en disant, voilà, les mecs, ils ont eu... Non, non. Les types avaient réfléchi sur l'histoire humaine, sur l'histoire de Rome, sur l'histoire de la Grèce antique... à un niveau qui aujourd'hui est difficilement compréhensible, tellement les types étaient brillants. Les Jefferson, etc. Ces types étaient hors normes, hors normes, hors normes. C'est des gens qui avaient compris que l'ennemi de la liberté, c'est pas la dictature ou le totalitarisme, c'est l'État. C'est l'État. C'est toujours l'État. C'est ça. Et les types ont dit, on va mettre des citoyens qui vont être armés. Voilà. On va armer tout le monde et Niveau des armes... Vas-y. Ça avait déjà été, enfin, ça, en France, ça, c'était le cas, hein, depuis la Révolution jusqu'à 1939 ou 40. Voilà. Les Français avaient des armes. On doit au maréchal, hein, maréchal Pétain, qui a pris les armes à tout le monde. Hein. Donc, Ouais. Et oui, le maréchal de sinistre mémoire qui avait refusé de collaborer activement avec l'Allemagne, malheureusement. Non, mais là, on voit le truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils se sont mis à paniquer en 1939. Voilà. Comme ils se mettent à paniquer maintenant, alors qu'en fait, il s'agissait de libérer les peuples blancs de la tutelle juive, hein, ni plus ni moins. Donc, bon, En tout cas, en guise de conclusion, faisons un tour de table. C'était un challenge de passer en revue cette première partie de l'élection, parce qu'il y a tellement de données, etc. Pas forcément facile. Et je voulais qu'on mette à disposition de nos éditeurs toute une série d'informations qu'ils ne trouveront pas dans les médias français, ça c'est clair. Et je crois qu'il n'y a même pas vraiment de médias alternatifs. Il y a sûrement des mecs qui font des trucs, je veux dire, je jette pas la pierre. Hein. Mais il fallait qu'on fasse cette synthèse et il fallait qu'on mette ça à disposition de ceux qui nous écoutent et surtout qu'ils le diffusent, qu'ils le répercutent autour d'eux pour qu'ils comprennent bien ce qui est en train de se passer. Donc non, il n'y a pas eu juste deux, trois petites embrouilles dans deux, trois États dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas les foutre sur une carte. Et voilà, c'est Biden qui l'a gagné à la loyale, même si vous la truc. Non, c'est un véritable coup d'État, c'est une révolution de couleurs, c'est ce qu'on a vu en Ukraine, c'est ce qu'on a vu en Syrie, c'est ce qu'on a vu en Libye et ailleurs. Il s'agit de reprendre le pouvoir et il s'agit ensuite d'appliquer le système qu'on voit déjà s'appliquer. C'est toutes ces histoires de confinement, de passeport sanitaire, de vaccination, d'arrêt des voyages aériens, etc. Tous ces trucs-là, voilà, on est dans la gouvernance globale à 100%. Et là, il y a deux côtés, pour Trump, pour les pourris. Et bon, nonobstant toutes les réserves, toutes les critiques, moi, je suis du côté de Trump, à 1000%, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Et ça se passe maintenant, hein, je veux dire. Et si Trump, parce que même s'ils arrivent à virer Trump de la Maison Blanche, j'imagine, ça ne changera rien, parce que les mecs en face, ils ne vont pas accepter, il n'y a pas moyen que ça se passe calmement, et il faut choisir son camp. J'hésite entre la guerre civile et la révolution, ce sont deux notions qui sont souvent très liées, presque indissociable, et maintenant il faut choisir son camp, et chez nous on va avoir les fils, parce que c'est ça aussi qu'il faut, c'est pour ça que je cite Macron et ceux qui nous écoutent en Suisse et en Belgique, c'est la même chose, on va avoir les traîtres qui vont essayer d'appuyer les putschistes aux États-Unis, qui vont essayer de mettre en place le truc. Donc quand nous sommes tous sous confinement, en France les gens sont sous confinement. C'est pas un hasard, quand ils ont voulu mettre tous les gens sous confinement au mois de novembre, ils savent ce qu'ils font, les mecs. Faut pas qu'il y ait de gens dehors, et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. C'est un coup d'État, tout le monde doit rester chez lui pendant que le coup d'État a lieu. C'est un coup d'État. C'est une révolution de couleurs, il n'est pas possible d'accepter ça. Je fais un tour de table, Je me permets un petit aparté. Pour ceux qui, parce que c'est quand même une semaine assez lourde, tiennent encore à un peu d'humour, je vous conseille d'aller sur la page de l'imam Saïd Ali Khamenei, qui pour l'instant est en train de s'en donner à cœur joie sur les États-Unis, et malgré que Trump lui ait quand même joué quelques coups pourris, j'aurais tendance à dire que, avec ce qui tape, il aurait tendance à ne pas trop aimer Biden. Parce qu'il sait que c'est pire. Ah ben tout à fait, mais il a quelques déclarations qui sont absolument succulentes. Je ne suis pas sûr que Trump ait emmerdé Khamenei. L'affaire du général, vous vous rappelez, ce général qui a été abattu par un... Soleimani, ouais, non, ça c'était un coup inacceptable. Inacceptable. Je ne suis pas sûr que Khamenei n'ait pas approuvé. Pour des raisons de pouvoir interne, c'est possible. Soutien à fond pour le président Trump, pour le maintien de nos libertés fondamentales, des Américains et de tout le monde, hein, tout simplement, qu'on puisse vivre. C'est un peu hippie presque comme message, mais j'ai envie de dire vivre en paix quelque part. Oui, pourrait-on vivre tranquillement? Oui, oui. Foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Je pense que le s'il vous plaît suffira pas. L'application stricte du second amendement. Voilà, c'est ça. De toute façon, comme l'a dit Jefferson, hein, de temps en temps, l'arbre de la liberté a besoin d'être rafraîchi par le sang des patriotes et des tyrans. C'est une très belle phrase, bien, bien d'actualité. Voilà, il va être temps de choisir votre camp. Vous avez le choix entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, comme disait cet archevêque, je crois, Giuliani, un truc comme ça. Voilà, c'est le moment de choisir votre camp, les gars. Monseigneur Vigano s'appelle relayé par le général Flynn, comme on a dit tout à l'heure. Il dirige le renseignement américain. Enfin, qui voilà, a dirigé le renseignement américain. À la semaine prochaine, chers amis. Monseigneur Vigano. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Salut. Yo. Salut.